Bonsoir, mesdames et messieurs. Il me fait plaisir d'être avec vous pour parler assez ouvertement de ce qu'est les enfants nouveaux et aussi en apprendre en même temps que vous à ce sujet. Il est très important pour moi d'aller au fond de ce sujet comme tel parce que j'ai affaire tous les jours dans ce milieu à travailler avec ces enfants et c'est de plus en plus difficile. J'ai eu de la chance de rencontrer des professeurs qui ont manifesté l'intérêt et qui sont parmi nous ce soir et qui veulent eux aussi peut-être travailler à fond et connaître ce qui se passe dans notre monde présentement au niveau des enfants. Quand on a des parents qui viennent nous voir et qui nous disent « Moi, je sais plus quoi faire avec mon enfant. Si toi, tu es plus capable de faire quelque chose avec, alors où on s'en va? » Et ça, qu'importe le milieu, que ce soit dans des familles grecques, où moi, je suis, disons, plus habituée à travailler, juste, et canadien-français, à ce moment-là, on se pose la question, c'est pas juste chez nous, ici au Québec, que ça se passe, c'est partout. Alors, c'est à voir où ça nous mène et qu'est-ce qu'il y a à faire, nous qui sommes dans une situation, disons, plutôt défavorisée dans un sens que nous ne savons pas exactement comment les prendre. Nous avons un travail à faire sur nous et en plus, nous voulons en faire un sur nos enfants. Alors, que faire avec tout ça? Et c'est ainsi que peut-être ce soir, nous allons être capables d'avoir une meilleure approche, être capables de voir clairement ce que nous, parents et professeurs, pouvons faire avec nos enfants. Peut-être cesser aussi de les comparer, peut-être cesser de voir ce que l'on veut voir d'eux et enfin les voir tels qu'ils sont. Alors, si vous avez des questions à ce sujet, à la deuxième partie, je vais essayer de garder Daniel sur ce thème ce soir parce que je voudrais vraiment qu'il aille à fond. Il y a eu plusieurs conférences de fait sur ça, mais souvent on était amené sur un autre thème. Mais si vous avez des questions concernant vraiment ce sujet, alors posez-les, ça va me faire plaisir de les lui présenter. Et par le fait même, je vais essayer de glisser les miennes. Le thème « Comment reconnaître un enfant nouveau » je commence à savoir un peu comment y arriver, mais c'est d'appliquer tout ça à l'intérieur d'une classe où il y a des fois 25 à 30 enfants. 25 ou 30 enfants nouveaux, c'est du bagage. Alors, si Daniel veut bien se manifester et venir nous parler de tout cela pour éclaircir de gros points d'interrogation dans nos têtes et aussi être capable de peut-être partir lundi avec une nouvelle démarche. Alors, Daniel, s'il vous plaît. Bonsoir Daniel. Un autre thème qui t'est bien familier. Parce que tu as toujours dit que tu étais quand même encore un enfant qui grandissait. Non, c'est les autres qui me disent ça. Oui. Ma mère m'a souvent répété que j'étais un grand enfant. J'aimerais que peut-être, avant toute chose, que tu nous parles un peu pour briser certaines formes à l'intérieur de cette place. Que représente ce salon et pourquoi nous sommes ici pour parler de ce que c'est des enfants nouveaux à l'intérieur peut-être d'un salon que certaines personnes vont se demander, mais est-ce que c'est en psychologie, en sociologie, ça a l'air à quoi en fin de compte tout ça? Bon, disons premièrement que le salon, et c'est le salon du Centre de l'Universalité, qui est un organisme qui se spécialise dans la diffusion de connaissances qui permettent l'amélioration de la condition humaine. Alors, il n'y a pas juste moi comme conférencier, moi ça me plaît, disons, de travailler ici. Si on regarde simplement le salon, bien évidemment, au niveau du décor, c'est un décor peut-être un peu plus chaud, un décor qui est peut-être plus de classe que ce qu'on peut rencontrer souvent dans des salles d'école ou dans des gymnases ou dans des sous-sols d'église ou dans certains hôtels. Ce n'est pas parce qu'on travaille sur l'évolution de l'homme qu'on doit nécessairement toujours travailler sur du ciment et dans la pauvreté avec des phénomènes gratuits. Bon. Alors, si toi, tu veux travailler sur les enfants, les parents vont souvent dire, ben, comment ça fait qu'elle ne fait pas ça gratuitement, il faut toujours payer. Ben, les individus vivent aussi, et comme le médecin fait de l'argent sur les maladies des autres, et on trouve ça normal, ben, c'est normal avec, évidemment, qu'à un moment donné, on se paie un peu plus de confort pour pouvoir travailler sur soi. Le salon lui-même, ben, c'est relativement simple. Moi, le sujet qui m'intéresse le plus, c'est ce que j'appelle l'homme nouveau. Évidemment, la femme nouvelle et l'enfant nouveau. Mais ça n'empêche pas que dans l'Antiquité, il y a eu beaucoup d'hommes et de femmes nouvelles. On a surtout privilégié l'homme nouveau, enfin, de l'Antiquité, enfin, les surhommes de l'Antiquité, parce qu'on vivait sur un régime plutôt patriarcal, c'est-à-dire mâle. Alors, on a Moïse, qui est le père de la religion monothéiste, qui, à un moment donné, psychologiquement ou spirituellement, pour certaines gens, a réussi à fusionner les concepts du polythéisme, au moins en une seule forme, ce qui a permis la création de sociétés beaucoup plus d'envergure que ce qu'on avait à l'époque. C'était beaucoup plus tribal. On a Pythagore, qui est le père des mathématiques. Alors donc, c'est tout à fait intéressant de lui dédier une place ici, au niveau du centre. Ce n'est pas moi qui décide ces choses-là. On a le Nazaréen, qui est sans doute celui qui a instauré la plus grande religion à l'échelle de la planète. Michel de Nostradamus, Nostradamus, qui est le bonhomme qui a le plus perturbé la conscience de ses successeurs par ses prophéties. On en parle un peu partout, on a fait différents films, et planétairement, on connaît les prophéties de Nostradamus. On a le comte de Saint-Germain, qui est l'un des grands inventeurs du maquillage pour les femmes, et on sait que c'est presque un tiers de l'industrie de sa planète. Donc, en partant, c'est intéressant de parler de lui. On a Paracelse, ici, qui est le père de la chimie. On a Platon, le père de la philosophie. Salomon, l'un des plus grands rois que l'humanité a porté. Hermès Trismégiste, le père de la médecine. Et deux autres peintures qui sont là pour finaliser, disons, le reste du salon. Ce qui fait que ce n'est pas un endroit spirituel, même si certaines gens, disons, le veulent spirituel. C'est un endroit qui se veut psychologique, mathématique, qui se veut humain. Et qui, même si on fonce vers l'homme nouveau, vers l'enfant nouveau, vers la femme nouvelle, l'homme construit toujours la base de sa vie sur le sommet de celle des autres. Et puis, à un moment donné, ben, ça devient plaisant un petit peu de juste se rappeler qu'on n'invente pas tout à partir d'aujourd'hui. C'est un peu à quoi sert le salon. Pour en revenir à notre sujet, un point qui serait peut-être à préciser, c'est de savoir un enfant ancien, un enfant transitif, un enfant nouveau. Tout ça fait que des fois, c'est peut-être mélangé dans nos têtes. Et comment les reconnaître un par rapport à l'autre, même si je ne veux pas faire de comparaison? Bon, on peut constater des choses. L'une des choses les plus importantes au niveau de l'enfant et au niveau des adultes, c'est que, premièrement, on ne doit jamais se servir de terminologie psychologique, de mots, par exemple, enfant nouveau, enfant ancien, pour cataloguer ses enfants ou les enfants des autres. Et on ne doit jamais non plus leur dire qu'ils sont ceci ou cela, parce qu'automatiquement, on les classe. Alors, à un moment donné, si la mère, si par exemple, les parents, il y a des parents qui seraient venus ici ce soir, dans le but de se faire accréditer que leur enfant est un enfant nouveau, on va dire, être un enfant nouveau, est-ce que c'est un compliment ou un défaut? Tout à l'heure, il y a une personne ici, justement, qui a une petite fille, et puis je lui disais, si tu voulais avoir un enfant nouveau, disons, un enfant nouvel, une petite fille, tu peux t'attendre à ce que tu le regrettes. Bon. Un homme, des parents nouveaux avec un enfant nouveau, ça va bien. Mais normalement, ce qui va arriver, c'est qu'on aura des enfants nouveaux qui vont naître à travers des familles anciennes et qui seront éduqués par des institutrices, des instituteurs anciens ou transitifs. Alors, si on veut, par exemple, se voir accréditer que son fils, sa fille, c'est un enfant nouveau, ça veut dire qu'on devra changer toute la psychologie d'éducation et la psychologie de relation qu'on a avec l'enfant. Alors, ce n'est pas une mince affaire que de reconnaître un enfant nouveau, c'est-à-dire que de vouloir reconnaître un enfant nouveau. C'est facile de reconnaître un enfant nouveau, mais de vouloir accepter ce que l'on reconnaît, c'est autre chose. L'enfant ancien est un enfant qui, comme l'homme ancien, est un enfant qui pense comme l'humanité a toujours pensé. C'est donc un enfant qui va rechercher, qui va évoluer selon les standards de la psychologie infantile ou, disons, la psychologie de l'évolution humaine que l'on connaît depuis déjà quelques années, c'est-à-dire qu'il aura... Bon, sa crise, il aura par exemple certains stages, le stage Bucaille, il aura différents phénomènes, disons, de stage d'évolution, de sa naissance aller jusqu'à l'adolescence. Ce sera un enfant qui sera docile vers 9 ans, 10 ans. Ce sera un enfant qui vivra une crise d'adolescence à un moment donné lorsqu'il y aura des perturbations hormonales au niveau de son corps physique, donc la puberté. Ce sera un enfant qui devra, pendant cette puberté, arriver à fusionner, disons, des personnalités qui l'habitent, c'est-à-dire qu'il sera en crise, et on appelle ça la crise de l'adolescence, une crise qui va faire en sorte que l'enfant va vouloir rejeter habituellement toute autorité qui lui a permis d'arriver à cette adolescence, et une crise où l'enfant va vouloir s'identifier à lui, alors qu'en réalité, il va s'identifier à une conscience collective, celle de son groupe d'âge, par exemple. Et par la suite, l'enfant va devenir le résultat de ce qui aura survécu à la crise de l'adolescence. Donc, l'enfant qui est extrêmement docile avant la crise peut devenir un renégat, peut faire de la prison après, peut devenir un voleur, peut devenir un homme d'affaires, peut devenir extra ou introverti, peut devenir autre chose que ce qu'on se serait toujours attendu. Il y a une chose chez l'enfant ancien, les parents souvent vont dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Nous, chez nous, on ne fume pas, il fume. Chez nous, on ne se drogue pas, il se drogue. Chez nous, on ne sac pas, il sac. Chez nous, on ne fait pas ceci, il fait cela. Il faut comprendre que l'enfant ancien est un être collectif comme l'homme ancien. C'est-à-dire que l'enfant ancien ne s'éduque pas, ne s'auto-éduque pas. Il apprend par l'expérience, par essai et erreur. C'est un phénomène qui est relativement, disons, pavlovien, c'est-à-dire qu'il est animal un peu. Enfin, les animaux, les humains fonctionnent souvent comme ça. Tu ne sais pas qu'une chose brûle, alors tu te brûles et puis tu le sais. Et puis, si tu ne le sais pas encore assez, tu recommences encore. Alors, l'enfant ancien, normalement, va être éduqué par ses parents. Il va surtout être éduqué par la ruelle, par la rue, par la société extérieure et, évidemment, par l'école. Donc, il est éduqué par la collectivité, ce qui fait que l'enfant a donc une conscience collective de façon grandissante au fur et à mesure où il va apparemment s'épanouir. Et, normalement, les parents sont peut-être, disons, 20% de l'éducation globale de l'enfant ancien. Le reste va être la société. Et l'enfant ancien ne s'auto-éduque presque pas. L'enfant ancien va facilement être manipulable au niveau d'éducation, c'est-à-dire qu'on va être capable de le punir et ça va fonctionner. C'est-à-dire que l'enfant ancien, on est capable de le mettre dans une cage, de lui coller le nez dans les barreaux, et là, il ne verra plus les barreaux, il va voir l'extérieur, il va donc penser qu'il est libre. Alors qu'en réalité, il est évidemment dans une cage, sauf qu'il ne voit pas les barreaux parce qu'il a la tête collée dedans. L'enfant ancien, on va le rendre poli. Il ne saura jamais pourquoi, mais il saura que s'il n'est pas poli, il y a des chicanes, on chiale après, il y a des punitions, alors automatiquement, il va être poli pour éviter ce genre de choses. L'enfant ancien va, par exemple, faire le ménage de sa chambre, même s'il voit la chambre de ses parents en bordel, parce qu'il fait le ménage pour ne pas être chicané, ou encore pour ne pas vivre la culpabilité, qui souvent va servir de cadre d'éducation par les parents. C'est-à-dire que les parents vont manipuler l'enfant à se sentir coupable, de cette façon-là, les parents pensent l'éduquer. Un exemple, par exemple, on a un sous-sol, on a la laveuse en bas, et puis la mère va dire, Pierrot, va chercher le linge. Pierrot, il dit pas tout de suite. Alors, la mère, elle va y aller, elle prend son panier. Bon, mais c'est un jour, là, si je me fais mal, là, on saura sa faute de qui. Puis là, elle descend chercher son linge en bas. L'enfant ancien va réagir automatiquement en se sentant coupable. L'enfant nouveau va la regarder, va rire. Bon, fini là. L'enfant ancien est donc manipulable au niveau de sa psychologie, c'est-à-dire que dans une classe, un professeur va être capable de punir l'enfant, de lui donner des copies, par exemple. L'enfant nouveau, si tu lui donnes une copie, je ne ferai plus ceci, etc. Il n'en voyant pas l'intelligence, il risque de rire en maudit. Il risque de pas la faire, et puis on peut punir un enfant nouveau, ça change rien. Il faudra qu'il comprenne, sinon il fera rien. L'enfant ancien, lui, par la punition, va faire, même s'il ne comprend pas pourquoi. Donc, l'enfant ancien... En passant, il ne faut pas se sentir insulté. On parle de choses et on essaie d'être clair et direct. On n'est pas ici pour se faire dire que tous nos enfants sont beaux et gentils. Ils sont tous beaux et gentils. Bon, surtout les vôtres, hein? Bon. Alors ça va bien. L'enfant ancien va devenir un enfant savant. Comme le chien peut devenir un chien savant. C'est-à-dire qu'il va faire des choses pour une récompense ou pour ne pas être puni, mais jamais il ne verra l'intelligence de cette chose. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a une évolution mutatoire, une évolution améliorative, que l'enfant va, que l'homme, que la femme vit au cours de sa vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'être humain finit par comprendre soudainement pourquoi il y a intelligence de faire ceci. Je donne un exemple. On va souvent prendre l'enfant ancien dans le milieu scolaire comme dans le milieu familial et on va mettre des cadres sans jamais prendre le temps d'expliquer à l'enfant pourquoi ces cadres. Alors, on va lui dire, tu ne parles pas quand je parle, Il ne voit pas pourquoi. On doit le placer en rang, il doit rentrer à l'heure, il doit faire ses devoirs avant telle émission de télévision ou non. Il ne doit pas fumer alors qu'on fume autour de lui. Il ne doit pas manger de cochonnerie alors qu'on s'en bouffe de chips. Il ne doit pas faire ceci, faire cela, tandis que toute la société le fait. Et si donc l'enfant ancien, on peut le manipuler à l'intérieur de ça sans qu'il en souffre trop. L'enfant ancien va poser des questions extrêmement banales. C'est quoi la sexualité? L'enfant nouveau va le découvrir bien avant qu'on s'en rende compte. Il va poser des questions comme, à un moment donné, il va accréditer les questions conventionnelles. D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que je fais sur la planète? Là, on parle d'un adolescent nouveau. D'un adolescent ancien. Où est-ce que je vais? Il va avoir peur de la mort. Il va s'intriguer de la mort. Il va s'intriguer de la sexualité. Il va s'intriguer de la drogue. Il va vouloir découvrir la drogue pour voir ce que ça donne. Parce que l'enfant ancien, elle fonctionne par essai et erreur. Donc, si tu lui dis que telle chose n'est pas bonne, faudra que tu l'encarcanises convenablement, sinon il va quand même l'essayer. Alors donc, l'enfant ancien va vivre d'un schéma relativement collectif. Tu prends un enfant ancien, puis tu lui dis, t'es un pissou. Il va dire non. T'as peur de casser la fenêtre de l'école. Il va dire non, j'ai pas peur. Oh oui, t'as peur. Et il va prendre une roche, il va casser la fenêtre. Là, tu vas voir qu'il n'y a pas peur, qu'il est imbécile, mais qu'il n'y a pas peur. Bon. L'enfant ancien va facilement être manipulable au niveau du groupe. On va poser la question, pourquoi tu commençais à faire fumer? Ben, tous mes amis me disaient que ça, c'est typique de l'enfant ancien, pas de l'enfant nouveau. Donc, l'enfant ancien va être capable facilement de jouer au Monopoly des heures de temps. L'enfant nouveau ne sera pas capable. L'enfant ancien aura de la difficulté à se concentrer sur un ordinateur. L'enfant nouveau n'aura aucun problème. L'enfant nouveau, lui, qu'est-ce que c'est? Premièrement, ce n'est pas les parents qui décident si on aura un enfant nouveau ou non. C'est sûr qu'on peut prendre un enfant ancien, c'est-à-dire un enfant qui génétiquement a la constitution neuronique, la constitution endocrinienne et la constitution physique pour pouvoir supporter une éducation sociale, morale et théologique, religieuse. Il a un cadre particulier qui lui permet cela et il vivra des symptômes, des problèmes. Bon. Un enfant ancien qui est hyperactif aura sans doute un problème physique. Un enfant nouveau est automatiquement hyperactif et n'a pas de problème physique. Donc, on ne doit pas donner de médicaments à un enfant nouveau qui semble hyperactif. C'est-à-dire que le cadre social dans lequel l'enfant nouveau va se développer, le cadre scolaire, le cadre familial, n'est pas un cadre qui est pour lui. Donc, automatiquement, il aura des fourmis un peu partout, dans sa tête comme dans son corps, ce qui fait qu'il donnera les symptômes de l'hyperactivité, mais ne sera pas hyperactif. L'enfant ancien, lui, va donc se contenter relativement facilement de la télévision, va se contenter de jeux normaux, va se contenter d'une fête conventionnelle à sa fête, il va se contenter de temps en temps de choses que normalement on doit se contenter. Autrement dit, l'enfant ancien va dire, il vit avec juste sa mère. Alors, évidemment, il va souvent poser la question à sa mère, pourquoi que lui n'a pas de père? Souvent, l'enfant nouveau, lui, ne fera jamais la remarque. Pour la simple raison que ce n'est pas important pour l'enfant nouveau d'être comme les autres. Tandis que pour l'enfant ancien, qui a une conscience évolutive collective, alors évidemment, il sera toujours en train de se comparer à l'extérieur. Si tout le monde a des casquettes de baseball, il faudra qu'il en ait une. Si tout le monde se promène de telle façon, il faudra qu'il en ait une. L'enfant ancien va donc être extrêmement sensible à la mode, au changement de mode, au changement de mode de musique, au changement de mode d'un paquet de choses. Et l'enfant ancien va vouloir absolument avoir du pouvoir dans la classe, c'est-à-dire qu'on aura donc des clans qui vont se dessiner au niveau des classes, avec un chef plus les autres, et puis on aura des... Enfin, l'enfant ancien va exactement copier dans son monde à lui tout le monde adulte, parce qu'il plagie collectivement ce que les adultes font. L'enfant nouveau, lui, c'est tout à fait autre chose. Génétiquement, il est constitué différemment. Alors, de quelle façon pouvons-nous dire qu'un enfant peut être génétiquement différent d'un autre genre de classe d'enfant? Premièrement, être un enfant ancien, ce n'est pas un défaut, c'est un état de choses. Maintenant, l'enfant ancien pourra muter lui-même, c'est-à-dire avoir une mutation qui sera premièrement psychologique, deuxièmement neuronique et finalement cellulaire, donc génétique, au cours de sa vie, ce que plusieurs adultes ont fait depuis le début, lorsque ceux-ci ont commencé à transiter. L'enfant nouveau qui vient au monde est simplement le résultat mathématique d'un mélange génétique entre la mère et le père, ce qui finalement transmet toujours l'évolution des parents dans l'enfant. Et c'est de cette façon que l'humanité, outre l'éducation qui tend à faire avancer très lentement l'évolution des sociétés, parce que l'éducation est toujours archétypée sur ce qui s'est passé antérieurement, dans mon temps, c'était comme ça, donc on le fait pas. Et puis, on essaie toujours de conserver le cadre qu'on a connu dans le passé, dans le monde actuel. Donc, même l'éducation sociale fait évoluer lentement l'humain. La génétique, étant donné que dans l'Antiquité, surtout, enfin, encore même l'Antiquité, pour moi, ça commence là 15 ou 20 ans et ça descend, on avait des enfants en bas âge. Cela veut dire que l'humain, là, lorsque l'enfant vient au monde, l'enfant a un pouvoir vital, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir, disons, d'énergie qui lui permet de pouvoir conserver sa forme infantile, donc d'avoir un caractère qui est typique de l'enfant, c'est-à-dire des cheveux qui n'auront pas la même, qui seront beaucoup plus doux que ceux de l'adulte normalement, une peau beaucoup plus douce que celle de l'adulte, il aura une forme physique beaucoup plus douce que celle de l'adulte. Donc, il conserve certaines choses jusqu'à l'époque de la puberté, où là, l'énergie qui là va commencer à devenir sexuelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir biologiquement, la programmation du cerveau, donc la programmation axonique va être complétée, et l'enfant va commencer à pouvoir procréer. À l'instant où l'enfant peut procréer, s'il a des enfants, il ne fait que transmettre instantanément que ce qu'il est lui et ce qui va être l'autre, disons la femme ou le mari, dans un autre corps. Sauf que si l'enfant va, par exemple, procréer 30 ans plus tard, automatiquement l'enfant, donc l'adulte, au cours de sa vie, va vivre des événements, va apprendre des choses, va se transformer. S'il était hyperactif, il va peut-être apprendre à être calme. Et à un moment donné, il n'aura plus besoin de médicaments pour être calme parce que c'est génétiquement maintenant chez lui. C'est-à-dire que ça lui appartient, c'est cellulaire. Donc, il est maintenant constitué différemment de ce qu'il était à la naissance. Et tout ce facteur se transmet par le code de génétique, par l'ADN, donc nucléaire au niveau des cellules. Et lentement, le corps de l'adulte, donc, qui est un corps de personne transitive, ce que j'appelle une personne donc qui va vers le corps de l'homme nouveau, finit par être tout à fait différent de ce qu'il aurait pu être s'il aurait été laissé, c'est-à-dire que s'il aurait été tout à fait dans une société comme on connaissait il y a 50 ans, une société qui formait les individus à partir de la conscience collective traditionnelle, la tradition. Lorsque ses parents vont avoir un enfant, automatiquement l'enfant à la naissance bénéficie génétiquement de l'évolution des deux individus. Bon, toi, tu vas vivre et à un moment donné, tu travailles dans une mine de charbon ou dans une mine d'amiante et tu finis par souffrir d'amiantose. Si tes enfants travaillent là-dedans et d'autres travaillent là-dedans, génétiquement, on saura que l'enfant qui naît a un gros pourcentage de risque de développer ce genre de maladie. Tu n'es pas cardiaque, l'autre non plus, mais le stress finit par te rendre cardiaque. Tu fais un infarctus vers l'âge de 65 ans. Et ton enfant vit dans un stress, il a aussi un problème cardiaque à un moment donné, et on saura donc que génétiquement maintenant, il y aura eu, par la psychologie, une mutation du code génétique qui fera que les enfants qui vont naître seront plus sujets à des problèmes d'angine ou à des problèmes d'infarctus. Au niveau de l'évolution améliorative de l'humain, c'est le même phénomène. Donc, à un moment donné, par mélange génétique, on finit par avoir mathématiquement des calculs qui font qu'un enfant qui naît est plus apte à quelque chose de neuf qu'un autre enfant qui naît. Ça, c'est l'enfant nouveau. Ça, c'est l'enfant ancien. L'enfant transitif, c'est quoi? Ça peut être l'enfant ancien qui a suffisamment de caractère récessif au niveau de la génétique, donc de caractère récessif nouveau. Donc, il va être capable de transiter vers l'enfant nouveau ou vers l'homme nouveau. Et l'enfant transitif peut aussi être l'enfant nouveau placé dans un cadre tout à fait ancien et il devra se démerder là-dedans pour finir par retrouver ce qu'il est lui. Donc, l'enfant nouveau, ce n'est pas une qualité, c'est un état de choses. L'enfant ancien, ce n'est pas une qualité, c'est un état de choses. Il n'y en a pas un des deux qui est, disons, préférable à avoir que l'autre, parce que l'enfant ancien risque de moins nous faire souffrir que l'enfant nouveau. Sauf que, évidemment, dépendant de l'adulte, il peut apprendre énormément des deux enfants. Et un enfant ancien a la faculté de devenir nouveau. Donc, on ne doit pas, par exemple, venir à une conférence comme ça pour pouvoir s'en aller puis dire, bon, juste avec mon enfant était nouveau. Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Quand le parent se projette complètement dans l'enfant, automatiquement, il le détruit. C'est dur émotivement à supporter pour certains parents, disons, la prise de conscience de ce phénomène, mais tu étais musicien, ton grand-père était musicien, ton père était musicien, puis ton enfant, il va être pusher. Bon, ben, c'est correct. C'est tout à fait différent, mais à un moment donné, les parents se projettent. Et se projetant, ce qui arrive, c'est que génétiquement, évidemment, l'enfant est constitué de l'homme et de la femme, Donc, génétiquement, ce n'est pas le même corps physique, ce n'est pas un clone du père, par exemple, ou de la mère. Ce qui fait que psychologiquement, le père ne peut pas réellement croire qu'un jour, toute cette psychologie va être supportée par son enfant, de même pour la mère. L'enfant sera individuel. Et l'enfant va tendre à cette individualité, et tendant à cette individualité, il sera ramassé collectivement par l'ensemble de la société pour en faire quelqu'un de normal. L'enfant nouveau ne pourra pas subir cette normalité. L'enfant nouveau, qu'est-ce qu'il va faire? Au Québec, sans doute le plus gros potentiel d'enfant nouveau sur la planète. L'enfant nouveau qui est juste suffisamment éveillé pour voir plus clair, mais juste pas suffisamment pour tout comprendre, va être suicidaire. C'est-à-dire qu'il ne sera pas suicidaire, il va se suicider. Bon, l'enfant ancien peut être suicidaire parce que c'est une communication qu'il veut faire avec l'extérieur, donc il ne se suicide pas, mais il tente souvent de se suicider. L'enfant nouveau est drôlement plus efficace que l'enfant ancien, et s'il décide de passer à l'acte, il va passer à l'acte. À un moment donné, on avait un enfant de 9 ans qui s'est pendu parce que sa mère lui avait éteint la télévision. Est-ce que c'est un enfant ancien ou nouveau? C'est un enfant nouveau. Alors les parents vont dire, oui, parce qu'il faut qu'on leur laisse tout. Non. Sauf que tu ne peux pas arriver non plus sans explication puis briser ça. Parce que l'enfant nouveau n'a pas peur de la mort. Et pourquoi la majorité des humains veulent-ils vivre? C'est parce qu'ils ont plus peur de la mort qu'ils sont écœurés de la vie. Alors, on va accepter les souffrances dans la vie parce qu'on a peur de la mort. On va accepter les maladies, les opérations, les tortures, les pertes parce qu'on a peur de la mort. Mais l'enfant nouveau n'ayant pas peur de la mort, est-ce qu'il va nécessairement accepter les mêmes choses que l'homme ancien? Non. Alors, à un moment donné, lui s'est dit, il savait que c'était pour manipuler sa mère au coton. Et puis, s'il ne peut pas écouter la télévision, ça ne va pas peine de vie. Alors, c'est simplement pendu. Ça l'a effectivement manipulé sa mère. Ça l'a réussi, sauf que ça faisait un enfant de moins sur la planète. Et on a une panoplie d'exemples de ce genre de suicide au niveau des enfants nouveaux, parce qu'ils sont toujours mal cadrés. L'enfant est un enfant nouveau, on l'envoie voir le psychiatre, le psychologue. Le psychologue, il suggère des médicaments pour le calmer, et on tue un enfant. C'est-à-dire que lui ne pourra pas vivre longtemps dans un cadre comme ça. Présentement, dans nos écoles, ou bien non, même dans ce que l'on vit, est-ce que c'est majorité enfant ancien, transitif ou nouveau, sans les cataloguer avec ces termes-là, mais ce qui ressort, c'est des enfants, des fois, qui nous semblent avec un bon potentiel, mais qui veulent rien savoir, qui veulent rien faire, qui sont révoltés, ou qui vont carrément te dire non, c'est pas ça, ou qui vont dire moi, je le fais pas parce que ça me tente pas. Dans le sens qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'autonomie. Ils savent où ils s'en vont, mais ils ont la difficulté, disons, de se diriger eux-mêmes, parce qu'il faut quand même être là pour les guider. À ce moment-là, à quel niveau doit-on, nous, interférer face à ces enfants-là? Si c'est un enfant ancien, il va t'écouter, il va avoir peur de toi, des fois, il va se sentir manipulé. Si c'est un enfant, disons, qui a beaucoup plus d'indépendance, lui, il va te manipuler, dans le sens qu'il va te faire sentir qu'il est là, puis il veut toujours ton attention. Bon, l'enfant nouveau, lui, n'a pas besoin que tu l'aimes. Il va souvent paraître sans cœur. L'enfant ancien va manipuler les adultes de façon à ce que les adultes les servent. L'enfant nouveau va manipuler l'adulte de façon à ce que l'adulte le serve, mais souvent, l'adulte va le servir par peur, par crispation, par stress psychologique. Un enfant nouveau peut faire sauter 3 professeurs en dedans de sa vie scolaire, tandis qu'un enfant ancien n'y arrivera pas. D'accord? Bon. Maintenant, et c'est un fait, hein? C'est certains qui sont professeurs, à un moment donné, ont découvert. Oh, c'est sûr que si tu mesures la grandeur que tu as, que tu enseignes au secondaire 5, tu vas avoir des gros bifs qui sont tout à fait anciens qui peuvent te faire sauter. Bon. Pas rien que de sauter, mais de faire sauter. Pour comprendre les choses. OK, bon. Maintenant, on parle, disons, de l'enfant, disons, pré-adolescence, et même à 6, 7, 8, 9 ans, ils peuvent envoyer des professeurs en dépression très rapidement. La différence entre les deux, c'est que l'enfant nouveau va manipuler l'extérieur, mais il va manipuler l'extérieur pour un résultat immédiat. Donc, normalement, l'enfant nouveau ne sera pas têteux psychologiquement ou têteux en énergie. L'enfant ancien va l'être. L'enfant ancien va te montrer des beaux yeux, faire un beau sourire, va t'amener une pomme tous les matins pour avoir quelque chose. L'enfant ancien, lui, l'enfant nouveau, lui, va t'empêcher de dormir plutôt pour que tu bouges tes notes. Alors, à un moment donné, il va simplement te fixer du regard pendant un mois de temps sans arrêt. Alors, normalement, un professeur qui est ancien ou transitif ne pourra pas supporter, cet affront que lui va appeler. Pour l'enfant nouveau, c'est pas un affront, il regarde son prof. Bon. Une chose importante, très, très, très importante, dont tu me parlais tout à l'heure au niveau de certaines choses. Bon, l'enfant nouveau, lui, va dire, bon, je le fais pas, ça me tente pas. L'enfant ancien fonctionne par mimétisme. Donc, il faut apprendre au niveau de... Parce qu'on peut être père et mère et avoir un enfant nouveau, deux enfants anciens, deux enfants nouveaux, un enfant ancien. On peut avoir donc des mélanges. Et dans les classes, évidemment, on va souvent avoir un ou deux enfants nouveaux par classe de 30 élèves. Maintenant, il y a des classes qui n'auront plus, il y aura peut-être certaines classes qui n'auront pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant ancien va faire, je répète, peut copier l'enfant nouveau. Donc, à un moment donné, si on a un enfant nouveau qui dit « Non, moi, je ne le fais pas, ça ne me tente pas », ben, tu peux avoir un enfant ancien qui va dire la même affaire. Sauf que si tu te lèves bien raide d'une classe à la table, tu as l'enfant ancien qui va s'asseoir, tu as l'enfant nouveau qui risque de t'imiter. Bon, alors donc, tu peux discerner. Le problème qu'il y a, c'est que pour éduquer... Bon, il faut comprendre une chose. C'est que les enfants nouveaux, il y en a de plus en plus. C'est ce qui va... transformer la société, on parle souvent d'une société nouvelle, de l'ère du Verseau, etc. Disons qu'il y a plusieurs groupements qui amènent ça. C'est pas l'adulte qui va amener ça. L'adulte ne peut pas amener une ère nouvelle. Parce que s'il amène une ère nouvelle, il l'oblige automatiquement aux enfants. Mais les enfants, est-ce qu'ils vont vouloir suivre? Bon, les enfants suivront pas. Pas si l'adulte décide du monde que les enfants auront ou dans lequel les enfants vont vivre. Ce qui fait que si on parle, on regarde une organisation, par exemple, soit une secte ou une organisation spirituelle, ou enfin, quelle que soit l'idée, énergétiquement, c'est bon ce qu'ils font, sauf que fondamentalement, ce n'est pas l'adulte qui va réellement changer les choses pour obliger l'enfant maintenant à vivre là-dedans. Bon, l'enfant nouveau est un être humain qui a absolument besoin de savoir pourquoi il fait une chose, sinon il ne la fera pas. Maintenant, il peut faire une chose pour toi en tant que professeur et tu vas dire, c'est drôle, il fait, mais il ne sait pas. Non, c'est qu'il y a un but derrière la tête. S'il fait, c'est parce qu'il sait pourquoi il fait. Sinon, l'enfant nouveau ne fonctionnera pas dans le cadre actuel au niveau scolaire ou dans le cadre actuel au niveau d'éducation. Bon, si on regarde certaines philosophies d'éducation, on a eu le docteur Spock qui, pendant plusieurs années, a écrit comment éduquer les enfants. Dernièrement, il s'est rétracté disant qu'il s'excuse, il s'est carrément trompé. Et les enfants qui ont été éduqués par cette méthode où on laissait à l'enfant faire ce que l'enfant voulait faire, c'est tout à fait stupide, c'est-à-dire que c'est stupide maintenant, bon, énergétiquement, ce n'est pas conscient, parce que l'enfant nouveau comme l'enfant ancien a besoin d'un paramètre dans lequel il pourra jouer et duquel il ne pourra pas sortir. Ce cadrage est un cadrage qui va induire dans sa psychologie une sécurité en lui et en ceux qui paramètrent sa vie. Donc, tu ne dois jamais laisser un enfant nouveau comme un enfant ancien faire tout ce qu'il veut, parce que tu peux être sûr que tu vas en faire un monstre, et de toute façon, tu n'en feras pas un adulte convenable. Pour lui, pour nous, pour lui. L'enfant qui... d'ailleurs, l'adulte, c'est le même phénomène, mais on a des lois, on a un cadre qui nous régit, parce que sinon, on se dirait... on aurait la majorité des humains de notre société, s'il n'y avait plus de lois, puis on laisserait tout faire, ne dormirait plus, ne pourrait plus dormir, ne pourrait même plus vivre. Et l'humain ne se prend pas suffisamment en main pour être capable de s'auto-sécuriser. L'enfant nouveau évolue exactement de la même façon que l'enfant ancien, sauf qu'il évolue peut-être 2, 3, 4 ou 5 fois plus rapidement au niveau de son développement psychologique. Ce qui fait qu'à 10 ans, 7 ans, 6 ans, 10 ans, dépendant des enfants, on aura souvent affaire à un adulte dans un corps d'enfant qui donc émotivement, donc endocrinalement parlant, va rester un enfant, mais qui, au niveau du contexte intellectuel ou du contexte mental, donc du contexte, par exemple, mais les passe en même temps. L'enfant nouveau va passer une crise d'identification lorsqu'à un moment donné, et non pas physiquement, lorsqu'à un moment donné, dans sa tête, il va commencer à savoir qu'il vit, à savoir qu'il existe, à savoir qu'il a autant d'importance que les autres, même que les adultes. C'est-à-dire que si tu es impoli avec, il va être impoli avec toi. Puis si à un moment donné, ma tante chose arrive, puis elle dit « Bonjour, mon gros nez! » Ben, il peut répondre « Bonjour, les grandes dents! » Puis là, il va faire chicaner. On ne dit pas ça à ma tante, qui a inventé. Ben, lui, il va simplement dire « Elle a rien qu'à pas être bon. » L'enfant nouveau, à un moment donné, va finir par passer par une crise d'identité qui n'est pas encore connue de la psychologie conventionnelle et qui n'est évidemment pas connu des parents parce que les parents fonctionnent à partir de ce qu'eux étaient, de ce qu'ils ont appris, de ce qui se passe à l'extérieur, des cours qu'ils vont suivre. Le professeur ne connaît pas non plus cette phase parce qu'on se fie toujours au caractère sexuel secondaire pour pouvoir commencer à dire, l'enfant est en phase pubère, donc il commence son adolescence. L'enfant nouveau va donc vivre une adolescence psychologique et mentale bien avant l'adolescence physique, et il vivra l'adolescence physique, mais il n'aura pas de crise psychologique pendant la transformation physique. Il y a donc déjà un dépassement total entre ce qu'on doit faire avec un enfant nouveau et ce qu'on doit faire avec un enfant ancien. L'enfant ancien est un enfant savant qui va faire ce qu'on lui demande par recherche, disons, de la gâterie ou par peur de la punition et de la culpabilité. Un enfant nouveau, vous pourrez le battre. S'il décide d'écouter, c'est pas cette année de se faire battre, mais le moindre moment que vous le lâchez, c'est à recommencer. Un enfant nouveau de 12 ans peut facilement assassiner ses parents ou son professeur. Okay? C'est épeurant pour la simple raison que l'enfant nouveau de 12 ans est peut-être un adulte de 20 ans dans un corps d'enfant de 12 ans. Alors, ce qui fait que, et c'est même très, très, très puissant. L'enfant ancien va avoir de voir, par exemple, insulter les autres toujours de la même façon. Bon, maudit niaiseux, tu sais plus ça, bon. L'enfant nouveau va regarder son professeur qui est un petit peu roux, puis va lui dire, t'as la tête pleine d'eau, tu sais plus rouille. Bon. Il va trouver exactement, mais exactement les mots pour que le professeur ne puisse plus se présenter à face devant sa classe. L'enfant nouveau va être capable de manipuler d'une façon, là, absolument, atroce. La psychologie des adultes. Et l'adulte va donc considérer que cet enfant-là est un sans-cœur. C'est pas un sans-cœur. Il a compris des choses qui seraient temps que l'adulte comprenne. C'est pas un sans-cœur. L'enfant nouveau va être un être qui va vouloir vivre l'instant présent. Il a compris des choses que l'adulte devrait comprendre à un moment donné. Alors, on va dire, bon, on fait une leçon de géographie. Puis lui, il va se plier le nez, je vais écrire ça avec son crayon. On va dire, c'est comme l'enfant ancien. Non. Demande à l'enfant ancien, pourquoi t'écoutes pas? Ben, il va revenir. L'enfant nouveau, parce que ça m'intéresse pas. Puis, ça, c'est des réponses qui vont écraser carrément les professeurs. Que veux-tu faire avec, en tant que parent ou en tant qu'instituteur, avec un enfant qui te répond carrément, non. Tu vas faire le ménage de ta chambre. Non. Tu vas avoir une volée. Donne-moi là. Tu fais quoi? S'il donne, ça ne changera rien. Une fois que l'enfant a eu sa volée, c'est fini là. Il va haïr ses parents, il va s'organiser pour se venger, puis il saura comment, faites-moi confiance, et il ne fera pas plus le ménage de sa chambre. Il va peut-être renverser son bureau à terre, il va peut-être casser ce qui est dans sa chambre, il va peut-être casser le vidéo, ça coûte cher, il va manger une volée après, il s'en balance. Il n'est pas sans cœur, il est plus puissant que la majorité des adultes. Mais il est toujours dans un cadre physique d'enfant, ce qui fait que les adultes le considèrent toujours comme ce que ça devrait être, une cruche plus ou moins pleine à remplir. Et l'enfant nouveau ne se considère pas comme ça. L'enfant nouveau va souvent dire, entre lui ou avec d'autres, quand il va parler des adultes, de son entourage ou des enfants anciens, il va parler de ceux qui sont retardés. Carrément. Quand on parle d'hyperactif ou d'enfants nonchalants qui n'ont aucun intérêt, ça veut peut-être dire à ce moment-là qu'ils pourraient se diriger dans cette phase ou qu'ils sont déjà dans cette phase. Et quand ils te parlent, qu'ils ont l'air vraiment désintéressés, dans le sens que pour eux, ce que tu leur apportes... Je t'arrête deux secondes. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour un enfant d'aller à l'école? Bien. Bon. L'enfant ancien va y aller parce qu'il est poussé d'un bord puis il est récompensé de l'autre. Mais lui, l'enfant nouveau ne marche pas par la culpabilité, il ne marche pas par les punitions, il ne marche pas par le gâteau. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'un enfant nouveau va aller à l'école? Qui va l'intéresser? On fait de la géographie, lui, il va dire, je voyage pas, moi. Oui, mais plus tard! Plus tard, non. Dans la tête d'un enfant nouveau, plus tard, ça n'existe pas. Alors, automatiquement, il y a donc une structure complètement nouvelle qu'on doit aborder au niveau de l'éducation. Et cette structure-là, elle a un avantage puissant. C'est qu'elle oblige l'instructeur à s'instruire pour instruire. Tandis que chez l'enfant ancien, l'instructeur peut rester le même, ou plus ou moins le même, toute sa vie d'instructeur. Le parent peut avoir 12 enfants puis rester le même parent. La grand-mère peut éduquer les enfants autant que la mère, ou le grand-père autant que le père, parce que ça fit dans une structure qui est correcte. Sauf qu'un enfant nouveau, à un moment donné, tu vas dire, t'as l'air malheureux, puis l'enfant nouveau va te répondre, t'as-tu bien été que ton chum hier? Bon, là, tu vas dire, c'est sans rien avoir. ben ça a quelque chose à voir parce que moi, je suis malheureux, mais toi, tu l'es aussi. Puis quand je te le demande, tu me réponds pas, fait que je te réponds pas. Bon, là, toi, tu vas dire quelle communication je dois avoir avec. Ben, les fois que lui est venu te chercher et que tu le traitais comme un enfant, ben, quand tu viens le voir, il te traite aussi comme un enfant. Bon. À un moment donné, l'enfant va vouloir te rendre service. Je vais faire la vaisselle. Oh, non, non, t'en fais pas comme moi. Parfait. Mais la journée que tu voudras qu'il commence à la faire, la vaisselle, il va te la, oui, la vaisselle. Il la fera pas, la vaisselle. OK? Bon. L'enfant nouveau a donc un grand besoin d'évolution psychologique, émotive, comme l'enfant ancien. Et ça, c'est déjà un gros problème. L'enfant nouveau a besoin d'émotions, l'enfant ancien aussi. L'enfant nouveau, lui, ne demandera pas, ne recherchera pas l'émotion par les voies normales qui vont être, disons, servies par l'enfant ancien. Alors, automatiquement, l'adulte qui travaille avec un enfant nouveau, qu'il soit parent ou qu'il soit instituteur, doit nécessairement finir par comprendre que s'il n'explique pas l'intelligence d'une chose à un enfant nouveau, que celui-ci va perdre confiance en l'adulte, que ce soit le parent ou encore l'instituteur. Bon. Alors, on parle de géographie. Comment intéresser un enfant nouveau à la géographie? Comment intéresser un enfant nouveau au français? Comment intéresser un enfant nouveau à la gymnastique? Comment intéresser un enfant nouveau? Ben, il y a une chose certaine, vous ne réussirez jamais à intéresser un enfant nouveau à la morale ou encore à l'enseignement religieux. Bon, en partant, il faut déjà oublier ça. Ça ne fonctionnera pas. L'enfant nouveau, si à un moment donné, il sent le besoin ou s'il prend la décision de s'informer, il le fera. On ne l'amènera pas de force, là. Bon. Pour passer des notes, il va y aller. Il va toujours répondre ce que le prof veut. Mais ça ne changera rien chez lui. Il va carrément leurrer son professeur. Bon. L'enfant nouveau, comment on l'intéresse? On l'intéresse simplement en lui expliquant l'intelligence de ce qu'on lui enseigne. Ça crée un maudit problème parce que la majorité des adultes, ce qu'ils enseignent aux enfants n'est pas intelligent. Et la majorité des cadres scolaires, ce qu'ils enseignent aux enfants n'a pas d'intelligence non plus applicable dans les médias. Alors, on va donc vivre un problème majeur au niveau de l'instruction, donc de l'éducation des enfants en tant que parents comme en tant qu'instructeurs, parce qu'on n'aura souvent pas de réponse à leur donner. Le contact parent-enfant ou professeur-enfant peut se faire un peu, si la personne en question a conscience de ce mécanisme, peut se faire. Mais quand tu as tout un bagage en arrière de toi, je dirais quasiment une société qui fait qu'il faut que ça soit comme ça, à ce moment-là, t'es pris en deux feux, où s'adapter pour être capable de comprendre l'enfant à l'intérieur de tout ce cadre qui est complètement en train de te déformer toi-même. Alors, t'as des professeurs qui sont écœurés, tannés et qui font un ouvrage, si tu veux, très, très nonchalant, avec aucun intérêt. Bon, premièrement, les professeurs sont, on parle pas de l'élémentaire, mais disons du secondaire et du cégep, universitaire, ça commence. Les professeurs sont allés d'enseigner parce que les étudiants sont allés d'apprendre. Fait qu'en partant, c'est sûr que si tu as 30 élèves, quand tu ouvres la main des airs à poser des questions, il n'y a pas un seul prof, à moins d'être un cadre, qui ne sera pas dynamisé par sa classe. Sauf que le problème qu'il y a, c'est qu'un enfant nouveau, l'enfant ancien ne pose pas souvent des questions. Tu as des surdoués. L'enfant nouveau n'est pas un surdoué. C'est-à-dire que le surdoué, normalement, va être surdoué dans un item, deux items, trois items. L'enfant nouveau, lui, va être bon dans tout ce qu'il aime. Alors, automatiquement, tu ne peux pas prendre un enfant nouveau et le mettre dans une classe de surdoué parce qu'en mathématiques, il est bon. Parce que s'il n'aime pas le prof, il va carrément foirer. Bon. Alors, en partant, c'était autre chose. Le problème qu'il y a, c'est que si vous êtes des parents qui reconnaissent un enfant nouveau chez vous, si vous êtes des parents transitifs, donc des parents qui veulent justement finir par vibrer de cette conscience peut-être un peu plus nouvelle, qui est plus vivant. Pas nouvelle spirituellement, là, c'est vivant. C'est-à-dire que ce que tu apprends doit te servir. Tandis que dans le cadre ancien, ce que tu apprends, peut-être qu'un jour que, bon, on te remplit tout plein, puis on ne sait pas ce que tu auras besoin plus tard. Bon, l'enfant nouveau, lui, si on le remplit, c'est parce que ça peut être applicable, sinon on ne veut rien savoir. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu es, par exemple, un parent ou un professeur qui découvre et qui veut travailler d'une façon nouvelle avec ces enfants-là, automatiquement, tu devras éduquer l'enfant, t'éduquer toi et éduquer les adultes qui t'entourent. Et ça crée un maudit problème parce que chez l'enfant nouveau, il n'y aura pas de guerre d'ego. Chez l'homme ancien et chez l'enfant ancien, il y a une guerre d'ego. La majorité des relations entre les hommes sont des guerres d'ego. C'est-à-dire que j'ai raison. Non, t'as pas raison. On veut pas savoir. Le résultat, on s'en fout. C'est une guerre d'ego. On veut avoir raison. Alors qu'à un moment donné, un parent, la mère, elle a La mère décide de prendre son bain avec sa fille de 6 ans, ou son gars de 7 ans. Bon, le petit gars ou la fille, ça fait 6 mois, puis ils n'ont jamais fait ça. Dommage, mais ils n'ont jamais fait ça. Bon, et ça fait 6-7 mois là, qu'ils broyent, ils aimeraient ça prendre son bain avec la bonne femme. Ou le bonhomme. À un moment donné, ils le font. Là, la voisine, elle sait, ça. Là, la voisine, elle trouve que c'est exagéré. Là, il n'y a pas assez de viol comme ça, puis il n'y a pas ci, puis il n'y a pas ça, puis dans son temps, etc. Bon. Le parent devra éduquer la voisine, puis éduquer son enfant, puis s'éduquer elle. Si on est à l'école, ben, à un moment donné, on va dire, bon, le professeur rentre, les enfants ont l'air à s'amuser. Fait qu'elle va dire, quand t'as pas de discipline dans ta classe? Toi, tu peux répondre, quand je lui parle, il se taille, puis quand je lui parle pas, il parle. Je veux dire, moi, ça va bien. Alors, elle, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être, bon, elle est absente. Et toi, t'as pas de cours, tu la remplaces. Et là, veux pas, tu vibres de l'affinité que tu as avec tes enfants. Dans la classe où tu vas remplacer, ben, t'as 2-3 enfants, à un moment donné, que tu perçois que. Tu fais quoi? Tu restes bête comme l'autre? Ben non, tu vis. Ben, si tu décides de vivre, quand l'autre va revenir, ta classe va être un vrai bordel. Alors là, on va aller te voir, on va commencer à te chialer après. Parce que c'est de ta faute, et ici, c'est ça, puis tes conneries, garde-le chez vous, puis bon, etc. Faudra donc que tu éduques l'enfant, que tu t'éduques toi, parce que l'enfant va t'éduquer, et que tu éduques les adultes, qui crée un cadre extrêmement pénible pour les parents et pour les enfants, et évidemment pour ceux qui instruisent les enfants. Une chose importante, si on veut communiquer et instruire un enfant nouveau, on devra nécessairement, c'est sine qua non, accepter que lui nous éduque et que lui nous enseigne. L'enfant nouveau ne te dira pas comment changer le cap de distributeur de ton auto. On va y apprendre, mais prenons, disons, un enfant un peu jeune. Par contre, au niveau de ta psychologie, là, il peut t'en apprendre. L'enfant nouveau a la faculté, pas innée, mais disons, ça se développe très rapidement de par sa solidité génétique, d'être capable de raisonner vibratoirement avec les individus. C'est sûr que c'est pas quantifiable, ce raisonner vibratoirement avec les individus. Alors, normalement, un éducateur, un psychopédagogue ou des choses comme ça vont dire, « Oh, mais c'est quoi ce raisonner vibratoirement? » Mais il se trouve quand même qu'à un moment donné, il y a 2 individus qui se rencontrent sur la planète et qui raisonnent. Hein? Tu vas te marier comme ça, un professeur peut tomber en amour avec un enfant, etc. Il y a une résonance vibratoire. Et l'enfant nouveau, lui, a cette capacité très rapide, non seulement de raisonner, mais de décoder la résonance. Ce qui fait que toi, tu vas rentrer toute correcte, puis lui, il va te dire, « Qu'est-ce que t'es malheureuse aujourd'hui? » Puis t'es toute, « Non, non, je suis bien heureuse, menteuse. » Fini là. Lui, il le sait. Alors, si tu n'acceptes pas d'apprendre, ben, tu vas couper la relation. Bon. Il y a une chose très importante. On demande souvent, l'enfant nouveau va mal vibrer à la résonance du mot « maman »,« papa »,« monsieur »,« madame ». Il va vibrer avec le prénom. Sinon, ben, appelle-le « monsieur ». Puis il trouve ça con, c'est collectif. L'enfant nouveau va vibrer beaucoup plus avec ses parents s'il peut les appeler par leur prénom. Il va vibrer beaucoup plus avec les professeurs s'il peut les appeler par leur prénom. Et évidemment, l'enfant nouveau a extrêmement besoin, comme l'enfant ancien, d'un cadre de discipline. Maintenant, le cadre de discipline, d'ailleurs, pour n'importe quel enfant, c'est un peu la même chose, mais l'enfant nouveau, lui, va te le dire, tandis que l'enfant ancien va le supporter, tant bien que mal. On ne doit pas laisser faire, disons qu'une chose sur deux doit être libre et l'autre discipline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça complique encore la tâche de l'éducateur. Les parents vont dire, oui, mais ça, crableu, on n'en fera plus d'enfants, ça n'a plus de sens. Là, t'es rendu, faut que tu checkes ce que tu dis, tu checkes ce que tu penses, tu checkes ce que tu manges, tu checkes quelle heure tu couches. Faut que t'es rendu, faut que tu fasses attention à comment tu t'habilles. Si tu veux qu'il soit propre, si tu veux qu'il se mouche avec un Kleenex, puis pas avec la nappe, ben, faut que tu te mouches tout avec un Kleenex. Si tu renifles, puis lui, tu veux pas qu'il renifle, puis il marchera pas. Si, etc., ben, à un moment donné, ça vaut pas la peine de faire les enfants. Sauf que qu'est-ce qu'il fait à l'adulte, à un moment donné? Il vit mal. Il s'en va voir un psychologue. Il s'en va dans un cours de relations humaines. Il s'en va dans un cours où on va pouvoir le replacer. Il s'en va faire ce qu'il pourrait faire avec ses enfants. Mais l'enfant va l'obliger. L'enfant nouveau est, d'ailleurs comme l'enfant ancien, natif. C'est-à-dire que de sa, disons, purement, à l'instant même, le poteau est coloré, été coloré, disons, par l'évolution de l'adulte, c'est un être qui va toujours poser des questions. Bon. À un moment donné, tu lui dis, le coke, c'est pas bon. Dès quoi ça fait s'il achète du coke pour lui faire plaisir? Mais l'enfant ancien va te poser la question, me semblait que c'était pas bon. Oui, mais de temps en temps. Il peut le prendre, il peut ne pas le prendre. L'enfant nouveau, lui, de temps en temps, une chose pas bonne, c'est une chose pas bonne. Alors, ou bien on me ment, c'est très bon, on veut pas que j'en prenne. Il va s'organiser pour en prendre. Ou bien, il sera complètement fou. Tu arrives avec un cadeau et tu donnes ça à un enfant nouveau. L'enfant nouveau prend le cadeau, ah, c'est au bout, puis il sac son camp dans sa chambre. C'est des parents anciens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il est bien mal élevé. Pas de merci, pas de ci, pas de ça, il est déjà parti. Le gâteau, puis tout ce que... Non, l'enfant nouveau, tu fêtes sa fête. C'est lui, il faut qu'il soit heureux, pas les autres. L'enfant ancien va se plier à toute la panoplie, la cérémonie, la tradition. Il va se plier sur le gâteau, il va dire merci à mon oncle, à ma tante, il va rester tant que les bombes. Mais l'enfant nouveau va se faire avec son cœur. Tu voulais, il donnait un microscope, parfait, c'est un microscope, il est disparu. Les adultes sont tous là, puis bon. Et on n'a pas du contour nécessairement, il veut son microscope oublié. Bon, alors l'adulte doit donc apprendre à fonctionner. Il n'est pas sans cœur, il est réel. Il va falloir que l'adulte soit capable de briser des formes chez lui-même en premier, oui. Et ensuite d'arriver à être capable de voir comment l'enfant qui se présente devant lui voit ces formes-là. Bon, ce qui est intéressant surtout, c'est de constater, c'est qu'à travers chacun des adultes, il y a ce qu'on peut appeler, il y a une correspondance, un parallèle avec l'enfant nouveau. Dans chacun des adultes, il y a un enfant nouveau. Et le problème qu'il y a, c'est que, évidemment, ça fait spirituel de dire que dans l'adulte, il y a un enfant nouveau. Bon, OK, d'accord. Dans chacun des adultes, il y a un phénomène nouveau, c'est-à-dire que l'adulte, lorsque j'explique, par exemple, comment va réagir l'enfant, mais remarquez que la majorité, vous aimeriez pouvoir agir de même. Bon. Et c'est ça. Mais sauf qu'on ne le fait pas. Ça crée un stress psychologique, ça crée une peur fondamentale, ça crée un empêchement de tourner en rond, à un moment donné, à l'intérieur de soi, qui, ça crée un contexte d'évolution qui est assez pénible. Mais on est mémoriellement conditionné, on le supporte bien. Mais l'enfant qui, au départ, est déjà un être qui veut y aller à sa façon, n'a pas la condition, n'a pas de conditionnement pour le tamponner. Il n'y a pas de mémoire tampon pour l'empêcher de trop exprimer. Or, lui va souffrir atrocement à l'intérieur de ça. Ou il va simplement demander, à un moment donné, à sa fête, « Peux-tu m'acheter un ordinateur? » On y achète un ordinateur, ça le voit disparaître. Là, enfin, il va avoir trouvé un ami avec qui pouvoir jaser. Un ami qui n'est pas con, qui n'est pas retardé, qui est logique, qui est mental, qui est efficace, qui est direct, qui ne se trompe pas. C'est ça que l'enfant nouveau recherche. Et quand il rencontre un adulte qui est émotif, qui est mémoriel, qui est archétypé, qui est programmé, qui est insécure, qui est instable, puis qui est menteur, ben ça crée un maudit problème entre l'enfant nouveau et l'adulte. Pourquoi l'adulte est menteur? Parce que l'adulte a appris à être poli. L'enfant nouveau apprendra jamais à être poli. Hein? Il ne montre pas un enfant nouveau poli. Sauf qu'à un moment donné, l'éducateur, le parent comme l'instructeur, devrait prendre l'enfant nouveau et lui expliquer l'intelligence de s'ajuster. De quelle façon travailler avec un enfant nouveau pour que l'enfant comprenne pourquoi tu veux qu'il fasse une chose. Mais comprendre pourquoi on veut qu'il fasse une chose, c'est pas « fais ça, ça va me faire plaisir ». Non, pour lui, c'est pas comprendre pourquoi on veut faire une chose. Parce que l'enfant nouveau est capable de gérer son propre bonheur. Il va évidemment être altéré et massacré souvent par le cadre ancien dans lequel il va évoluer. Mais lui, ce qu'il va dire, ben voyons donc, crime ici. T'as rien qu'à être heureuse, tabarnouche, t'as pas besoin d'attendre que je te fasse des beaux yeux. Bon, alors le parent, évidemment, raisonne extrêmement mal. L'éducateur raisonne extrêmement mal aussi. L'enfant nouveau a des 100 sur 100. Donne-lui des petits collants, des petits ci, des petits ça. Tu lui donnes au cas. Mais attends-toi pas, parce que c'est ça qui le motive. J'ai l'enfant ancien, oui. On en donne encore pas mal de collants. Mais oui, l'enfant, mais c'est bon. Est heureux comme ça. C'est ça que je dis. Ça ne le nuira pas, sauf qu'à un moment donné, quand ça, pour un enfant nouveau, ça ne sera pas une motivation. Puis là, toi, tu parles dans ton cadre à toi où tu as un groupe d'âge particulier. Moi, je parle de l'enfant nouveau. Donc, ça peut être au niveau secondaire. À niveau secondaire, on n'étend pas des tisanes, des petits cœurs. Maintenant, au niveau de l'élémentaire, c'est encore extrêmement intéressant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça. c'est qu'on n'arrive pas du jour au lendemain et on change tout. Bon, j'ai compris que mon fils, ma fille, c'est un enfant nouveau. Fait que là, à partir de demain, là, tout change. Non. Premièrement, les parents ne pourront pas le supporter longtemps, eux-mêmes. Les instructeurs non plus. Et l'enfant non plus. L'enfant nouveau est un être humain qui est capable d'aimer mauditement plus que ce que l'humain est capable d'aimer. Mais c'est un amour qui est libre, un amour qui libère. Donc, l'enfant nouveau va être capable d'aimer son professeur puis de ne pas s'ennuyer si le professeur est malade 3 mois. Il va être capable d'aimer ses parents au point de donner sa vie pour ses parents, mais il ne s'ennuiera pas en tout ses parents partant en vacances. Fait que le parent, lui, qui est habitué à déterminer, à diagnostiquer de l'amour des autres à partir de ce que l'autre va communiquer à lui, fait, bonjour, comment ça va? Ben, l'enfant nouveau ne posera jamais la question. Sauf si t'es malade, il va poser la question pour essayer de légiférer sur s'il peut faire quelque chose. Sinon, ça n'a rien à voir. Alors, les parents vont rentrer, vont venir d'un voyage ou vont rencontrer leur enfant ou l'instituteur, c'est la même chose. Et puis l'enfant, ben l'enfant n'aura pas nécessairement le tu sais, non. Non. C'est comme si rien s'était passé. Oui, alors là, les parents vont dire, ça, encore une fois, c'est un sans-cœur. C'est pas un sans-cœur. Sauf qu'il aime libéralement. Il va aimer un petit chum, puis son chum déménage, il en souffrira presque pas. Ouais, il laisse son chum aller. L'enfant ancien va broyer, va écrire, va travailler mal, va perdre un peu ceci, va avoir des espèces de dépression. Mais l'enfant nouveau, non. Il va s'arranger. Et ça, c'est extrêmement mal compris par, la pédagogie d'aujourd'hui, qu'elle soit parentale ou qu'elle soit scolaire. On ne comprend pas ce phénomène. On doit expliquer à l'enfant pourquoi une chose doit être faite. Donc, on ne lui dira pas qu'il faut être poli parce que ma tante, ou encore parce que dans un monde civilisé, on est poli. Parce que le monde civilisé, lui, vu par les yeux de l'enfant nouveau, il serait à remodeler en sacre bleu. Donc, on ne lui dit pas que la politesse est nécessaire dans un monde civilisé. On va lui expliquer que toutes les fois qu'il dit telle chose, ben l'autre risque de lui donner une claque. Hein? Ou toutes les fois qu'il dit telle chose, ben l'autre souffre. Il va te répondre, ben oui, mais il n'a pas souffrir. Bon, là, à un moment donné, il faut arriver à lui expliquer le pourquoi que l'autre souffre, donc tu apprends sur toi. Il faut arriver à lui expliquer le pourquoi de l'intelligence, de s'ajuster aux individus. Alors, tu lui dis, entre toi et moi, on n'a pas besoin, mais entre toi et mon oncle, tu ferais de faire, lui, il a besoin. Bon, ça le rend malheureux, mais il faut lui expliquer que ça lui fait du tort à mon oncle. Lui va dire, oui, mais ça la regarde. Il va dire, oui, mais c'est comme si je te donne un coup de poing dans un œil. Ton œil va venir bleu. Mon poing va dire, ça regarde ton œil. Il y a un qui n'a pas vouloir venir bleu. Mais ça dépend aussi du coup de poing. Bon. Alors, quand tu réponds comme ça à mon oncle, bien, lui, là, c'est exactement comme s'il avait un coup de poing en train de faire. Bon. Alors, mon oncle, il a beau essayer mais de manière qui est bâtie pour l'instant, là, il y a ça. Et quand tu vois mon oncle, ajuste-toi. Ajuster. Ah, l'enfant va comprendre. Genre, pour les enfants de 4 ans. S'il va, selon ce qu'il peut comprendre, il va s'ajuster. Il va apprendre à respecter la loi s'il comprend l'intelligence de la loi. Sinon, il va apprendre à la défier. Il n'y a rien de plus trippant pour quelqu'un qui a un peu d'intelligence que de développer son intelligence en contournant les barrières. Hein? On a eu, à un moment donné, une éducation militaire ou encore une éducation scout. C'est génial. Pourquoi? Parce que tu surmontes toujours des limites. Tu vas faire du sport, tu surmontes des limites. Mais dans ta tête, mentalement, c'est quoi les limites à surmonter? Ben, les lois. Tu fais du vol à l'étalage. Tu fais des trucs illégaux. Tu surmontes des lois. C'est la même chose. Tu surmontes des limites. Alors, c'est donc important de ne pas brimer l'enfant par la prison, par la peur de ceci, par cela, par le correctionnel, ces choses-là. On doit lui expliquer. Maintenant, il y a une chose. C'est pas miraculeux comme ça. C'est sûr qu'à un moment donné, les parents, ils retournent avec leurs enfants, puis ils vont commencer à vouloir leur expliquer. Puis l'enfant va les frapper. Tu comprends-tu, là? Non. Après 6 mois, tu comprends-tu? Non. Oui, mais ça fait combien d'années que tu le traites en enfant ancien? Lui, il s'attend pas à ce que ça arrive de même, à un moment donné, sorti un vendredi soir, puis est revenu toute folle, tu sais? Ou tout fou? Bon, l'enfant ancien, l'enfant nouveau, un instant, il a tellement vu souvent ses parents, ses professeurs, puis d'autres adultes arriver heureux, partir en maudit, qu'il sait très bien que la stabilité, c'est pas tout à fait ce qui existe le plus dans les adultes. Il va dire, oui, si c'est toujours de même, j'aimerais ça, mais... Bon. L'enfant nouveau est un enfant qui manipule les autres, qui manipule les adultes, donc qui manipule les parents, est un enfant qu'on ne peut presque pas manipuler, donc il faut fonctionner par intelligence avec. Alors, pour bien les diriger, si on ne veut pas en faire des monstres, comme tu as déjà dit, parce que si l'enfant qui comprend n'a pas, disons, l'explication voulue, c'est à ce moment-là qu'il va complètement t'oublier, puis à ce moment-là, quand même que tu bûcherais dedans ou que tu essaierais de lui faire comprendre d'une façon non intelligente, l'enfant ne t'écoutera jamais. La majorité des enfants nouveaux, s'ils sont mal dirigés, vont devenir des assistés sociaux. Parce qu'il n'y a rien de plus intelligent que d'avoir de l'argent et de rien faire pour. En partant, il n'y a pas un seul enfant nouveau qui va te dire non à ça. OK? Tout à fait logique et intelligent. Travailler pour le gouvernement fédéral. Être sur l'assistance sociale. Bon. L'enfant nouveau qui, à un moment donné, travaille un peu, donc commence à apprendre des choses, peut devenir un personnage dangereux pour la société. Peut devenir un criminel. Peut devenir, si la mafia n'existe pas, il va l'inventer. C'est logique. C'est extrêmement logique, ce genre de choses, dans une société comme la nôtre. Alors donc, ce sont des enfants qui vont être souvent attirés par les choses militaires, mais ils ne voudront pas être dans l'armée. Ils vont être attirés par des vues d'action, parce que l'enfant nouveau est souvent un être d'action. Ça ne veut pas dire qu'il va pratiquer ces choses-là, mais il va être intéressé par ces choses-là. Il va être attiré par l'informatique. Pas tout, évidemment. Des enfants nouveaux qui vont pas ça, qui vont vivre un autre cheminement. Mais autant qu'on avait, disons, une espèce de cheminement plus ou moins naturel pour l'enfant, bien, il y a aussi une déterminante plus ou moins, disons, regroupant la majorité de l'évolution au niveau de l'enfant nouveau. Maintenant, il y a toujours des ectopistes, c'est normal. Bon, faut pas s'en faire. Très, très, très important juste de comprendre, premièrement, que l'enfant qui paraît sans cœur n'est pas un enfant sans cœur. Et on ne doit pas continuellement penser que l'enfant est malade. C'est le gros problème de l'adulte. Bon, il est refoulé. Il n'est pas refoulé. Il n'exprime pas l'émotion comme l'adulte normal exprime l'émotion. Ou comme l'enfant ancien exprime l'émotion. Donc, il n'est pas refoulé. Bon, il n'est pas sans cœur. Il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Souvent, on essaie de pathologiser l'état de l'enfant. Bon, un enfant nouveau est un enfant qui va être capable de très bien s'assumer seul. C'est un enfant qui va être capable, qui va rechercher évidemment des amis, parce qu'à un moment donné, il reste un enfant jusqu'à l'adolescence biologique, et même, disons qu'il va rester un enfant très longtemps. Après, pas un enfant dans le sens qu'il va toujours faire des conneries, mais il va quand même accepter d'être un enfant. C'est-à-dire que ce sera un adulte qui pourra très bien écouter la télévision et marcher à terre. Il pourra très bien jouer dans un corridor avec d'autres, ça ne le dérangera pas. Bon, s'il envoie l'intelligence au niveau de l'amusement. Alors donc, l'enfant nouveau est un être qui va être capable de vivre sa solitude, ce que l'homme ancien ne peut pas faire. L'homme ancien a de très grandes difficultés à assumer sa solitude. L'enfant nouveau va le faire facilement. Donc, automatiquement, l'homme ancien va penser que l'enfant a un problème. Il va donc vouloir le guérir. Évidemment, il y a des enfants qui ont ce problème de solitude au niveau de l'enfance ancienne. Il faut qu'on arrive simplement à être capable de goûter la nuance, de discerner. Comment on discerne? Il y en a un qui a besoin de raison intelligente, puis l'autre qui a besoin de motivation. Il y en a un qui est un têteux d'énergie, donc qui a besoin de boostage, puis l'autre qui a simplement besoin, encore une fois, d'explication intelligente. Bon. Alors toi, tu arrives, tu as toujours des choses nouvelles à amener dans ta famille, dans ta classe ou n'importe où. C'est évident que si c'est un enfant nouveau, le moindrement qui est dans ta classe, il va t'intéresser. Pourquoi? Parce que tu développes ta conscience mentale, ce qui lui l'intéresse énormément. Ce que l'informatique va lui permettre, qu'une panoplie de choses va lui permettre. Tu ne pourras pas dire à un enfant nouveau, bon, ben là, on va aller à la gymnastique, puis là, comment qu'on éduque l'enfant à devenir, à faire de la gymnastique? 3-4 cerceaux, 3-4 dobelles, on roule à terre, on s'amuse un peu, puis on fait des choses. Disons l'élémentaire, puis on monte lentement. C'est parfait. Mais à un moment donné, il faut que le parent, si les instructeurs ne sont pas là pour le faire, ou que l'instructeur soit capable de discerner quand est-ce que l'enfant, c'est le temps qu'on y explique l'intelligence du conditionnement physique. Parce que l'enfant nouveau, à un moment donné, là, quand il va passer à la phase où il ne joue plus, ben, le conditionnement physique, là, la gymnastique, c'est du jeu. Parce qu'on lui a appris qu'en jouant, on ne lui a pas expliqué que c'est intelligent pour le corps. On le fait faire en jouant, on le manipule. À un moment donné, ben, il n'y avait plus l'enfant. faire de la course et traverser la ligne avant les autres. Franchement. Tu sais, je veux dire, je peux-tu m'en aller chez moi? C'est le même mécanisme un peu dans une classe. Mais c'est la même chose. La compétition, ça ne fonctionnera pas longtemps chez un enfant nouveau. Alors, en partant, tu perds. Toute la structure qu'on a conventionnellement pour l'éducation ne peut à peu près pas tenir. La seule structure facile que vous pouvez comprendre, c'est que accepter d'apprendre et il va accepter d'apprendre. Il n'y a pas d'autre chose. À un moment donné, il va arriver, Gat avait fait une erreur. Ben oui. Si vous voulez qu'il accepte, lui aussi faire des erreurs. Ben vous devez dire oui, effectivement, tu avais raison. Oui, mais pourquoi tu m'as chicané? Je m'excuse. Chicane-moi. Les adultes et les professeurs ne font pas ça. Et là, l'enfant va intelligencer le phénomène. Il va peut-être te tester, voir comment il peut te chicaner. Oh, il ne te chicanera pas autant que le chicane. Mais il va se dire, bon, enfin, il va avoir une relation. Si, parce que tu sais, souvent, on dit il y a des règlements, des lois qu'on place à un moment donné. Tu honoreras ton père et ta mère. Demande à un enfant nouveau de répéter après toi. Tu honoreras ton père et ta mère. L'enfant nouveau, tu honoreras ton père et ta mère s'ils sont honorables. C'est l'enfant nouveau. Ça, c'est typique, typique, typique. Alors, on va dire, qu'est-ce que c'est? C'est, bon, si on est bien religieux, on va dire, c'est le diable incarné. Non! C'est de l'intelligence. C'est logique. Tu honoreras ton patron. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est honorable, hein? Ben oui. Et l'enfant nouveau fait le même phénomène. Alors, c'est pour ça que quand on reconnaît l'enfant nouveau, si on est capable de le reconnaître à l'extérieur, mais fouillez chez vous, puis vous allez reconnaître des paramètres de ce phénomène nouveau. De l'homme nouveau, de la femme nouvelle. Puis c'est ces phénomènes-là que l'on doit laisser vivre. Chez l'enfant comme chez l'adulte. T'es toujours pogné avec ce que tu penses que, puis qu'est-ce que tu fais pas. Mais l'enfant, lui, il restera pas pogné longtemps comme ça. Il va passer ou il va trépasser. Puis effectivement, c'est un des deux. C'est pas drôle, c'est extrêmement dramatique. Dans le moment présent, un conseil pratique pour les personnes qui ont affaire avec des enfants, si tu veux, considérés comme hyperactifs ou qu'on ne sait pas où les envoyer, parce que sachant même pas s'ils ont intérêt ou non, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? Bon, premièrement, enfant ancien ou enfant nouveau, lorsqu'on s'adresse à un enfant, on essaye de se placer à son niveau, yeux à yeux. Donc, on ne doit pas parler à un enfant de haut en bas. On doit le toucher pour qu'il ait un contact, parce que si c'est un enfant nouveau, de toute façon, il pourra percevoir ce que c'est par le contact physique. Donc, on doit le mettre la main, pas sur la tête, car rien de pire pour un enfant nouveau, mais au moins sur l'épaule, sur le bras, il prend une main et le toucher, dépendant de l'âge. Bon. On doit être capable de dialoguer dans son langage et on doit être capable de se rendre compte quand il tète et quand il tète pas. On va donc automatiquement discerner l'enfant nouveau de l'enfant ancien. Le fait de têter, ça veut dire que l'enfant recherche de l'émotion, il a besoin d'affection, il recherche quelque chose. On doit en donner à l'enfant, mais en même temps qu'on en donne, on doit intelligencer ce qu'on donne. C'est-à-dire qu'on doit dialoguer avec. Le problème, c'est que si les parents savent ça, ben là, ils vont s'imaginer que le professeur est peut-être à des actes sexuels. Ils vont s'imaginer que le professeur ne se mêle peut-être pas de ce qu'il regarde. Ils vont s'imaginer, et il y a une peine de plus de choses. Bon. On va faire une pause, on va revenir à la deuxième partie. Si vous avez des questions, on les pose. On va revenir un peu sur ces choses-là. De toute façon, on ne peut pas répondre en une heure à tout ce phénomène-là. On refait une conférence spéciale juste sur savoir éduquer un enfant nouveau. Alors, on va de toute façon pouvoir revenir. Plusieurs questions sont venues m'aider, si je puis dire, à cerner un peu le thème de ce soir. Des questions qui cherchent à comprendre tout ce qui se passe ici au Québec et plusieurs questions ont été posées en ce sens. Pourquoi au Québec et avant tout, ces enfants ont-ils à naître ici plus particulièrement? Bon, pourquoi ici, pourquoi pas ailleurs? Mm-hmm. C'est la question fondamentale chez les personnes qui sont transitives ou qui sont anciennes. Tu veux pourquoi moi? Parce qu'à un moment donné, il faut que tu sois quelque part. La réponse est plus logique. Et c'est quelque part là, ben, il se trouve que de temps en temps, c'est en Israël, de temps en temps, c'est en Europe, de temps en temps, c'est aux États-Unis, de temps en temps, c'est en Chine, de temps en temps, c'est au Portugal, de temps en temps, c'est en Espagne, de temps en temps, c'est en Mongolie, au Japon, et de temps en temps, c'est au Québec. Alors, il y a des raisons mécaniques, il y a des raisons telluriques, il y a des raisons ésotériques, il y a des raisons sociales, il y a des raisons économiques, il y a des raisons psychologiques, qui, tout mis ensemble, font en sorte que, finalement, c'est au Québec que va naître l'homme nouveau, de façon, disons, massive, et qu'évidemment, naisse l'enfant nouveau. Premièrement, disons que, il y a différentes choses qui ne sont pas encore comprises par la psychologie moderne, qui contraint les humains à vivre des phases d'évolution collective ou sociale, ce qu'on appelle, disons, des évolutions d'humanité, et qui sont en train de contraindre la planète Terre entière à forcer une évolution et un salut, disons, une liberté évolutive à l'échelle du Canada, disons, premièrement, des États-Unis, de l'Amérique du Nord, du Canada et du Québec, le Québec étant privilégié. Et pour privilégier encore plus, tout ce qui, au niveau du bouclier canadien, fait partie du Québec, et évidemment, ce qui fait partie du Canada sur le bouclier canadien. Ce n'est donc pas le Québec politique, c'est le Québec ésotérique, si on veut prendre le terme. Un Québec qui, K-E-B-E-K, Québec, a été défini par Michel de Notre-Dame, a été défini par plusieurs autres personnes dans l'Antiquité, où on parlait de l'apparition, à un moment donné, de quelque chose de neuf. Même Jean 23 a parlé d'une terre neuve, d'où, à un moment donné, enfin, dans ses prophéties, il a un peu parlé de ce Québec. Il faut comprendre que la race humaine est premièrement née et nourrie par le sol qui constitue son territoire. Les animaux font la même chose. Selon ce que vous allez manger, vous allez avoir une radiation qui est décelable par un compteur Geiger. Vous allez avoir une forme corporelle particulière. Vous allez avoir une constitution physique différente d'un autre. Si on plante une carotte au Québec et qu'on l'engraisse aux engrais chimiques, elle n'aura pas la même constitution qu'une carotte plantée à Funorme en Écosse, engraissée avec des engrais naturels. Pourtant, les deux, sur une photographie ou à l'œil, seront deux carottes. Mais les deux ne seront pas de constitution pareille. C'est-à-dire que si on analyse la carotte, on n'aura pas la même chose. Même si, globalement, on a la même structure qui porte. On aura une carotte. Au niveau des êtres humains, c'est le même phénomène. Et votre mutation génétique est donc déterminée par votre alimentation, déterminée par l'eau que vous allez boire, déterminée par l'air que vous allez respirer et déterminée par le contexte psychologique qui va vous permettre de transformer votre corps physique. Le bouclier canadien est la première terre de surface à l'échelle de notre planète et c'est la seule terre qui n'est pas, disons, qui n'est pas brisée par des failles systémiques. C'est une terre qui ne se brise pas lors de tremblements de terre. C'est une terre qui, telluriquement, a une histoire de surface probablement plus longue que le reste des terres de surface de notre planète. Et c'est aussi la seule terre qui n'a pas vécu de guerre, donc de guerre massive, et qui n'a pas non plus voulu un jour conquérir le reste de la planète. Ce qui fait qu'au niveau de la psychologie sociale collective, ce que nous appelons la conscience collective ou l'astral national limité à notre territoire, on n'a pas d'histoire très vieille qui font naître un patriotisme, disons, exagéré à l'échelle des consciences des humains du Québec, du Canada, évidemment. Le Québec étant une terre où les humains sont extrêmement non-nationalistes, les humains sont individualistes, les humains sont séparatistes, les humains séparatistes du Canada et séparatistes entre eux. Les humains du Québec sont presque, en fin de compte, la race la plus folle sur la planète. Mais en fin de compte, cette folie collective individualiste oblige le Québécois à s'assumer un peu plus que partout ailleurs. C'est sûr que pendant la phase d'adolescence du Québec, il y a une phase de crise où on a, disons, où il y a des risques d'assimilation par les contextes extérieurs, ce qui finalement ne se fait pas. Le Québec est une terre privilégiée, non pas parce que le Québécois l'habite, mais le Québécois l'habite constitué par ce qu'il mange, par ce qu'il vit, et par sa structure génético-chimique et sa structure de libération sociale par le simple fait que le Québécois est une race relativement à part. D'ailleurs, on va revenir à un moment donné dans une conférence sur ce phénomène du Québec. Partout sur la planète, on a une tradition tellement ancrée à l'échelle des consciences collectives que ça ne peut pas laisser naître un homme nouveau. si on va dans des contextes, par exemple, musulmans, mahométains, juifs, islamiques, bouddhistes, hautement catholiques, etc., etc., on ne peut pas avoir un être humain qui va devenir meurtre, parce que la tradition le bloque carrément. Tandis qu'en Amérique du Nord, et évidemment au Québec, on a une liberté de conscience qui est encore extrêmement carcanisée, mais on a une liberté de conscience qui permet aux choses neuves de pouvoir naître. Partout ailleurs, on vous pointerait du doigt, et après le doigt, il y aurait sans doute un revolver, tandis qu'ici, on vous pointe du doigt, mais ça finit là. Alors, c'est donc tout à fait normal que les choses neuves naissent là où il y a le plus de facilité. C'est un contexte naturel, et ça naît donc au Québec. J'ai ici quelques questions qui touchent l'enfant. Je me demande, l'enfant qui sans cesse attire l'attention dans un groupe est souvent gagnant, puisque l'éducateur doit voir au bon ordre et ne pas nuire au reste du groupe. Comment s'en sortir? L'enfant nouveau doit-il lui aussi apprendre comment apprendre? N'apprend-il pas du simple fait qu'il aime un domaine de connaissances données? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'instruction, l'éducation que l'adulte doit donner à l'enfant est toujours et ce devrait d'être essentiellement une éducation qui permette à l'enfant de vivre sa condition actuelle et non pas vivre une condition future potentielle. Alors donc, quel que soit le contexte, l'enfant qui, par exemple, devient le leader d'une classe, il doit comprendre l'intelligence de l'amélioration, l'intelligence de l'évolution. On va dire, oui, mais si l'enfant a 7 ans, même l'enfant qui a 7 ans, c'est un enfant nouveau, il y a des façons de lui parler. On ne lui parle pas exclusivement comme un universitaire, on va de soi. Mais il y a des façons de comprendre, il y a des analogies qu'on peut lui donner, des exemples. On peut parler de crapauds, de fleurs, de roses et de laitues, mais pas pour le sexe, pour expliquer d'autres choses. Et on donne des exemples, des analogies à l'enfant pour lui permettre de comprendre l'intelligence des choses. Bon. Ce qu'il faut donc absolument toujours entrevoir, c'est qu'on devrait éduquer comme on devrait s'éduquer, comme une personne qui a 25 ans, qui s'éduque déjà pour savoir comment elle devra affronter la mort lorsqu'elle aura 85 ans. Mais ça paraît aussi stupide pour cet adulte de 25 ans-là que ça paraît stupide pour l'enfant de 12 ans, de 8 ans, de 15 ans, de 17 ans, de devoir étudier pour des contextes qu'il ne verra pas. Sauf qu'il y a des choses que l'individu, l'adulte, ne sait pas, mais que l'homme transitif et souvent l'enfant nouveau va pouvoir percevoir, c'est qu'on doit travailler de plusieurs façons. Il y a l'immédiat terme. Dans l'immédiat terme, c'est la relation. C'est elle qui, de toute façon, va former la psychologie, va former le mental et va finalement former la condition génétique de transmission de l'évolution plus tard. L'immédiat terme dans l'éducation, c'est aussi l'immédiat terme dans votre cheminement. Donc, dans votre éducation, appelez ça l'évolution si vous voulez. L'immédiat terme, c'est tout ce qui, dans l'instantané, permet de régir convenablement sa vie. Suite à l'immédiat terme, il y a le court terme. Et ça encore, c'est une chose extrêmement importante, le court terme. L'enfant, comme vous-même, vous devez travailler dans l'immédiat terme, c'est-à-dire que vous n'allez pas, je donne un exemple souvent, qui est un exemple assez intéressant, si vous voyagez, prenez des photos pour pouvoir admirer votre voyage à votre retour en diapositive. Bon, c'est souvent toute l'éducation, la structure éducative ou psychologique de la société va être le plus. Alors, tu t'en vas au Mexique, tu ne jouis pas des ruines, tu en prends des photos. Bon, quand tu as pris assez de photos, tu t'en vas voir une autre ville, tu apprends d'autres photos, tu photographies 3 ou 4 Mexicains, 3 ou 4 Mexicaines, un tireur de souliers. Quand tu reviens chez vous, ben là, tu les projettes en disant, c'est un bon voyage. Bon, ça, c'est la structure qu'on a et on éduque de la même façon. L'immédiat terme, c'est d'oublier l'appareil photo, de t'asseoir sur une ruine puis de sentir ce qui se passe. Le court terme, ben, ça va être de décider dans la journée à quelle ruine je vais voir. Mais pas de structurer tout le voyage tout de suite. On doit pas faire ça parce qu'à un moment, on va perdre le voyage. Bon. Le court terme au niveau d'éducation va être que l'enfant doit au moins venir demain matin à l'école. Il doit venir la semaine prochaine. Bon, ça c'est le court terme. Il doit savoir pourquoi il vient à l'école. Et si la seule place sur la planète où l'enfant peut vivre l'immédiat terme, c'est à l'école ou à la maison, il va être content de rentrer à l'école, il va être content de rentrer à la maison. Parce que là, au moins, il va vivre de la vie. Il n'aura pas juste des mémoires mortes. Par la suite, donc, en priorité, l'immédiat terme. Deuxième priorité, le court terme. Troisième priorité, le moyen terme. Et dans la vie, on fonctionne de la même façon. Il y a un paquet d'individus qui ont de l'argent, placés dans 2-3 immeubles, placés dans 3-4 comptes, dans des actions. Et lorsqu'ils vont faire un voyage, ils recommencent à économiser. C'est fou! Ils ont de l'argent, mais ils sont pauvres. Bon. Pourquoi? Parce qu'ils vivent tout à long terme. Ils veulent léguer, ben non, ils veulent assurer leurs vieux jours. Oui, c'est ça. Passez toute votre jeunesse à assurer vos vieux jours. Puis vous passerez vos vieux jours à regretter votre jeunesse. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qu'il faut donc comprendre, c'est qu'on a l'immédiat terme, le court terme, on a le moyen terme. Le moyen terme, c'est peut-être de s'acheter un rire à un moment donné. Hein? Pour pas rire jaune plus tard. Bon. Il y a des petites choses comme ça. Mais on n'achète pas un rire si on a des dettes. Ben voilà, l'immédiat terme, le court terme et le moyen terme. L'évolution, c'est le même phénomène. L'éducation, c'est le même phénomène. Le moyen terme, l'enfant doit comprendre l'intelligence de se rendre au minimum à son diplôme secondaire 5, par exemple, qui est déjà une clé ouverte dans la société. Le moyen terme. Il doit comprendre le minimum cela. Pas parce que le papier est important. Dites pas à l'enfant que le diplôme est important. Dites à l'enfant que pour les autres, le diplôme est important et que vu son âge, quand il va arriver à la sortie, ben, c'est les autres qui vont régir la société. Les autres sont peut-être bien pognés, mais si t'as pas de papier, tu risques d'avoir des problèmes. Alors, l'enfant va trouver une raison intelligente au niveau social d'au moins aller chercher son diplôme. Mais ne demandez pas à l'enfant d'avoir des bonnes notes dans tout. Ça ne change rien. Ça ne réglera pas l'enfant. L'enfant doit comprendre l'intelligence de certaines choses. Si le moyen terme est acquis, dans le court terme, on va peut-être lui dire, ben, à un moment donné, c'est temps qu'à... Combien de semaines là, que tu passes à l'école? Là? Il va dire, ben, depuis le début de l'année, ça fait 5 semaines. Ces semaines-là, peux-tu les revivre tout de suite? Ben, l'enfant va dire non. Donc, est-ce que tu peux pas les revivre? L'enfant va dire non. Donc, tu n'en es plus. Oui. C'est fini. Oui. Mais tant qu'à être fini, si je l'aurais fait convenablement, il aurait été fini aussi. Oui. Si je l'ai fait en niaisant, ils sont finis pareil. Oui. Qu'est-ce qui te rapporterait le plus? Les avoir fait convenablement ou comme tu les as fait? Ben, l'enfant va te répondre carrément, ben, c'est évident que si. Bon. Lentement, il faut qu'il prenne consistance que le temps qu'il passe là est un temps qui est de toute façon irrécupérable. Et s'il n'y a pas le choix de le passer, ben, tant qu'elle devra le perdre, autant le perdre intelligemment. Bon. Lentement, on instruit. Et par la suite, en dernier de tout, ce n'est vraiment pas l'important, c'est le long terme. L'enfant doit comprendre le long terme. Il doit comprendre la structure politique, la structure sociale, écologique de nos sociétés. Il doit comprendre l'intelligence de fonctionner, d'avoir un rôle social. Il doit comprendre ce genre de choses. Dans le moyen terme, c'est l'école. Il y aura les lois qui régissent l'école. Il doit comprendre un peu le microsystème de l'école, qui est un peu comme la société. Il doit comprendre dans le court terme le micro-microsystème de la classe, qui est comme la société. Et il doit comprendre dans l'immédiat terme le microsystème qui est lui, qui est un corps physique, un corps vital, de la vie, peut être fatigué, peut être en forme, peut être pépin, un corps astral, une psychologie qui est la relation entre la mémoire, le désir et l'émotion, un corps mental qui est capable de rendre logique les choses sans être coloré d'émotion. Et tout ça, c'est l'immédiat terme, c'est sa micro-société à lui. Alors donc, de quelle façon on doit continuellement fonctionner, c'est dans l'immédiat terme. Et le problème, c'est que toute la structure est bâtie sur le moyen et même sur le long terme. Et en plus, c'est bâti sur l'espoir qu'il y aura un long terme. Alors, demain, l'enfant à jouer là-dedans, c'est extrêmement compliqué. L'immédiat terme, sachez une chose. L'enfant a zéro en mathématiques. Il est capable de rentrer à l'école, de rencontrer le directeur, il arrive 2 heures en retard, et est capable de convaincre le directeur qu'il est arrivé à l'heure. Il n'y aura pas de problème à se trouver un job plus tard. Alors, quand c'est pas tout l'enfant pour l'obliger à rentrer dans une structure, il n'y aura pas de problème. Vous allez dire, oui, mais c'était un mentor. Un jour, il m'a dit qu'il connaissait telle chose. Je demande de faire un speech, il me fait un beau speech. Je rencontre ses parents me disent non, jamais. Il n'est pas un mentor. Il vous a compté une menterie. Quand vous lui avez demandé de faire un discours là-dessus, il a lu au coton, il a tout appris, puis il vous en a fait un. Il est à la hauteur de ses menteries. Donc, il n'est pas mentor. Et c'est un fait. C'est un génial, c'est un génie, c'est un enfant nouveau. Alors donc, il faut toujours comprendre l'idée, l'immédiat terme, qu'on soit parent. Oui, mais tu ne manges pas convenablement. Qu'est-ce qui est important? Qu'il bouffe convenablement ou que vous ayez une relation convenable avec? Il s'est mouché à table, le maudit salaud. Qu'est-ce qui est important? Qu'il se mouche dans un Kleenex, qu'il se mouche aux toilettes, Pour qu'il y ait une harmonie entre la relation d'éducateur, parent ou instructeur puis l'enfant, on ne marche jamais sur les médiathèmes, toujours sur plus tard. Les enfants, les parents n'osent pas toucher à leurs enfants. Parce que premièrement, il y a un paquet de raisons sociales qui fait qu'on ne sait jamais si ils sont dépassés ou non. Bon, premièrement. Deuxièmement, les éducateurs n'osent pas toucher aux enfants non plus. Ils ne parlent pas de faire des attouchements sexuels. Bon, toucher à l'enfant. Bon. Et c'est un besoin inné pour l'enfant parce que ça fait partie de l'immédiateterme. Et toi, on va dire, bon, t'as une classe de première année ou t'as une classe secondaire 2. Première année élémentaire, première année secondaire. Et tu vas dire aux enfants, bon, là, aujourd'hui, c'est sûr qu'au secondaire, il y a un paquet de profs, mais en tout cas, un prof prend le dessus. Et il va dire, on fait des mathématiques, mais vous avez peut-être une couverte. Bon, toi, t'es à l'élémentaire, on fait, bon, demain, la semaine prochaine, j'ai peut-être vous avez une petite couverte, une serviette. Pas gros autres, bon, une serviette. Ben, l'enfant, ben, une serviette. Oui, oui, oui, oui. Bon. En partant, il y a du suspense. Il se sent bien. Il sait pas pourquoi. Ben, on fait les mathématiques au secondaire. Bon, il reste 15 minutes. Fait que tout le monde, on met sa couverte à terre, puis on se couche dessus entre les bureaux. OK? Ça l'apprendre à vous relaxer. Il n'y a pas un seul mathématicien sur la planète qui est capable d'arriver à des bonnes réponses s'il n'est pas relax. Bon. Les enfants font la même chose. Et là, tu vas dire, ils sont relax, ils laissent à terre. Non, non, non. Faut que tu passes, check les jambes, check les bras, là, il y a un contact, il y a de l'instantané, il y a de l'immédiat terme. Et l'enfant va venir à tes maudits maths juste pour pouvoir relaxer. Sauf que l'enfant va créer une relation d'immédiat terme avec toi, puis il va s'organiser, évidemment, pour fonctionner dans la relation. Fonctionner dans la relation veut dire que tous les fois qu'il y a des mauvaises notes, il va avoir l'impression que la relation est altérée. C'est pas une manipulation, il vit dans un microsystème, une société, un cadre écologique, qui va décider de maintenir. L'enfant ancien va facilement embarquer là-dedans, puis l'enfant nouveau, aucun problème. Or, ce qu'il fait, évidemment, quand il y a des mauvaises notes, il ne chicane pas, ça n'a rien à voir. On lui dit pas, t'as encore perdu ton temps. Mais non, c'est intelligent. On lui demande, on revient encore. Le temps que t'as pris tes bains, ou que t'as perdu tes bains, c'est son terme à lui, bon, il n'a pas perdu son temps au niveau du fait qu'il n'y a pas des bonnes notes. Lui, il pense qu'il a perdu son temps au niveau du fait qu'il apprenait les maths. Bon. Alors, le perdu son temps, il faut que ce soit dans son langage, pas dans le sien. Il faut pas dans celui de l'éducateur. Alors, on revient encore avec la même chose. Si t'as pas de bonnes notes, on est rendu à maintenant. Tout le passé qui aurait été bien fait serait ça là. Donc, ton avenir serait mieux. L'avenir au niveau de n'importe quoi. Là, il va dire, oui, mais moi, je veux pas m'en aller des mathématiques. Non, mais il y a une chose. C'est que les mathématiques développent. T'aimes ça un ordinateur? T'aimes ça comprendre des choses? C'est pas long. Il y a des raisons intelligentes, sacrebleu. On donne pas d'éducation pour rien aux enfants. Hein? C'est pas des créations d'emplois à un moment donné quand on a inventé les écoles. Hein? On n'a pas bâti des écoles histoire de stimuler de l'emploi, puis on ne sait pas pourquoi. Mais à un moment donné, on ne sait plus non plus pourquoi. Alors, il y a l'immédiat, le court, le moyen, le long terme. Que le parent fonctionne comme ça, d'ailleurs, ça c'est une chose en passant, que vous soyez au travail, que vous soyez entre couples, que vous soyez entre amis, que vous soyez entre familles, de n'importe quelle façon. Parce que ce que je parle au niveau d'éducation, c'est toujours éduquer l'éducateur. Parce que l'éducateur, c'est bien mort. L'éducation que tu donnes à l'enfant, c'est une éducation qui est absolument adaptée à ce qu'était l'éducateur quand il était enfant. Bon. Mais pas à l'enfant qui est là. Lui, il est vivant, puis il change. Hein? C'est normal. Donc, l'éducateur doit être vivant, donc l'éducateur doit s'éduquer. Alors, le fait de vivre votre vie dans l'immédiat terme, c'est la même chose. C'est aussi bon pour l'éducation comme c'est bon pour soi-même. On rentre chez nous le soir, puis là, on se dit, bon, ça sera bleu, belle-mère vient demain, il faut faire sa ménage. Là, on vit à court terme. Il faut qu'on se pose la question, l'immédiat terme, est-ce que je le relègue pour le court terme? Je manque ma vie. Alors, la personne a pu se dire, bon, d'accord, l'immédiat terme, je ne me tente pas, je vais me coucher. Parfait. Maintenant, ton immédiat terme, est-ce qu'il va faire qu'à un moment donné, l'immédiat terme plus tard, dans le court terme, va en souffrir? C'est comme celui qui a 1000 piastres, ben, il achète 1000 piastres de ballon, ben, 1000 piastres de loterie, de billets de loterie, puis il est perdu. Ben, c'est pas grave, j'ai vécu mon immédiat terme. C'est une idée. C'est qu'à un moment donné, dans deux semaines, son court terme va être aussi son immédiat terme. Il va le vivre comment? Bon. Donc, il y a toute une structure, justement, on parle donc d'un cadre écologique de l'évolution. Hein? Une plante, ça commence petit, ça grossit, donc ça a besoin de plus d'espace, ça a besoin de ceci, ça a besoin de cela. C'est le même phénomène pour toute la gestion de son évolution. Votre évolution physique est médio-terme. Eh oui, court terme, moyen terme, long terme. La personne qui se dit, ouais, dans 2-3 ans, on va commencer à faire du jogging. C'est du moyen terme. Dans l'immédiat terme, ben, continue à manger des chips et du coke. Ben, évidemment, si un immédiat terme rendu dans 3 ans, va être extrêmement pénible. Alors, toute l'éducation de l'enfant, on l'enligne comme ça. Un enfant qui est leader, on doit travailler en immédiat terme. Sauf qu'on doit lui faire comprendre qu'il y en a d'autres. On doit le placer dans l'immédiat terme des autres. On doit faire en sorte qu'à un moment donné, toute la structure de la classe, lui, en comprenne l'intelligence. Mais l'enfant qui n'en voit pas du tout, même après avoir parlé avec lui d'une certaine façon intelligente, parce que je pense que déjà, ça se fait de faire comprendre à l'enfant pourquoi il est là, même s'il n'aime pas être là, après avoir fait tout ça, et que l'enfant, disons, capte toujours ton attention, c'est lui qui dirige, en fin de compte, quasiment ta classe. Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur de tout ça? Il donne un pas. Tu règles ton cas. Tu donnes un poste, tu règles ton problème. Si ton enfant il est absolument toujours en avant, trouve-toi une raison pour avoir besoin de lui. Et tu vas régler son cas. C'est simple, je n'élaborerai pas là-dessus, je veux dire, vous avez suffisamment d'intelligence dans ce problème-là. Elle a besoin de lui. Elle a besoin de lui. Que ce soit pour corriger les examens, que ce soit pour laver la classe, que ce soit pour te mettre ton manteau, que ce soit dépendant de l'âge de l'enfant, que ce soit pour... Qu'est-ce qu'on fait avec les pires bandits en prison, la main dans ma foule d'un main, puis on dit que les autres. Ce gars-là, il est réglé. Puis en étant réglé, il apprend des choses. S'il y avait une structure, disons, écologique au niveau du pénitentiaire, en plus, il apprendrait des choses. Mais normalement, en plus, on les achète. Bon, mais l'enfant, tu ne l'achètes pas. Tu ne donnes pas. Tu ne pas. Les personnes qui vont dire, ben, ça n'a pas de sens, déjà, là, non, non. Parce qu'il faut comprendre l'idée. Hein. On trouve le poids à donner. Il faut travailler avec. Moi, j'ai enseigné suffisamment longtemps, c'était des sports, donc, en l'occurrence, le judo, pour la ville de Mont-le-Nord, ville d'Anjou, Pointe-aux-Trembles. On a l'ordre ici au niveau des enfants qui ont le même phénomène, on peut constater les mêmes choses. Lorsque tu as un enfant qui est extrêmement tannant tout le temps, la première chose à faire, c'est l'envoyer dans le coin. Bon, ça marche. Là. Bon. Chez l'enfant, ben, s'il aime ce qu'il fait, automatiquement, il ne le fait pas, donc il va finir par se replacer. Après, la deuxième semaine, t'es encore dans le coin. Troisième semaine, encore dans le coin. À un moment donné, il faut que tu te dises, ça, je viens pas essayer de pas aller dans le coin. Sinon, c'est une récompense, c'est pas que tu t'envoies dans le coin. Fait qu'à un moment donné, j'avais un étudiant qui était comme ça. Ah, parfait, au bout, t'es dans le coin. Un instant, mon petit. Là, je te punis. Tu t'en viens travailler avec les autres. Ah oui. Bon, parce que là, c'était ta punition, travailler avec les autres. Lui, il venait pour suivre sa famille. Ses parents l'avaient inscrit. Son père l'a servi du dos. Il l'avait inscrit. Tu peux t'appeler. À un moment donné, ben, ils sont extrêmement tannants. Fait que là, il faut finir par leur donner un job. Alors, il y en a un qui est extrêmement tannant. Ben, je l'ai pris pour faire mes démonstrations pour enseigner aux autres. Ben là, il était fait. Il était plus niaiseux. Il était plus tannant. Bon. Il y a une panoplie, de choses. Il faut aussi s'asseoir avec puis jaser. Bon. Pourquoi tu viens à l'école? Ben, j'ai pas le choix. T'sais, quand est-ce que les professeurs demandent ça à l'enfant? On a tellement peur que c'est évident qu'ils viennent parce qu'on leur botte le derrière qu'ils viennent. Mais il faut leur poser la question, puis il faut aussi qu'ils découvrent qu'ils sont là parce qu'on les force à y être. Bon, maintenant que tu es là parce qu'on te force à y être, y aurait-il une moyen, penses-tu qu'on peut trouver quelque chose qui t'intéresserait? Bon, peut-être qu'ils vont répondre non. C'est un travail. C'est un travail vivant. Le parent comme l'instructeur doit faire ce travail-là. Je connais tellement beaucoup de parents, moi, à un moment donné, ils ont, faut aller chercher le bulletin à l'école. Les parents veulent pas y aller. Qu'est-ce qu'ils vont se faire dire par les profs? Ah, oui, si, il y a ça, il est tellement bête, vous rentrez, il y a ce qu'il faudrait vous checker ici, mais pas ses devoirs, mais pas bon. Ou ben non, ah, ben au bout, ah, c'est un enfant correct, génial, c'est ça. Les parents, ils ont peur de la l'école. Puis en plus, je veux dire, les parents, souvent, ils comprennent même pas, ils ont de la misère à lire le bulletin. Bon. Hein? Et ils comprennent, etc. Puis ils disent, c'est bon. Et même, ça marche souvent. Pas que tes parents, mais ça marche souvent comme ça. J'ai déjà un jour rencontré, moi, les professeurs de ma fille. Et puis, fallait que je fasse le tour au complet, parce qu'elle avait été assez nouvelle et des professeurs qui étaient assez anciens. Il y avait des questions assez intéressantes. Bon. Alors, moi, j'ai décidé de rencontrer tous les profs en même temps. Alors, quand les profs sont réunis, demain, il a fait un consensus avant de me ramasser. Et puis quand je suis rentré, ben là, parce qu'il voulait mettre ma fille à l'extérieur de l'école, là, je leur ai expliqué, si vous le mettez dehors de l'école, ça règle le problème de qui? À elle ou à vous autres? Bon. Alors là, évidemment, la réponse est bien facile. Ça règle le problème des profs, pas le problème de l'élève. Alors, je leur demande, c'est quoi votre job? Régler vos problèmes ou ceux de votre classe? Elle dit, oui, mais le problème qu'il y a, c'est que ça nuit à toute la classe. Oui, je comprends. Mais c'est pas une raison. Alors, il a fallu que je lui parle, ils ont fini par comprendre un peu comment agir avec. Bon, il y en a un à un moment donné, l'autre, elle a zioté, parce qu'elle est venue tellement enragée qu'elle a demandé de sortir dans le corridor. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu un recours énergétique. Oui. Bon. Oui, mais vous punissez quelqu'un pour rien. Il y a quelqu'un que vous punissez est intelligent, puis il sait que c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment adulte ou solide. C'est pas vous qui êtes debout. C'est l'autre qui paye le coup. Ça va bien. Alors, à un moment donné, les professeurs, les parents doivent travailler en collaboration, et ça fait de moins en moins. Qu'est-ce qui se passe? Hein? On a une grève d'autobus scolaire, on en entend parler souvent, il y a une région ici là, qui est relativement énergisée d'une grève d'autobus scolaire. Et souvent, les parents vont protester, vont vouloir rencontrer le député, puis le ci, le ça. Pourquoi on veut rencontrer? Parce que les enfants sont allés à la maison ou parce que les enfants ont besoin d'instruction. Et on va dire c'est parce qu'ils ont besoin d'instruction. Mais combien de parents ont hâte que l'été finisse? Alors, l'éducation, j'ai travaillé dans un camp de vacances, j'étais assistant chef de camp au camp d'Ipi. C'est un camp assez huppé, assez connu. Et la première chose qu'on doit dire aux moniteurs, c'est que toutes les instructions et l'éducation que les parents n'ont pas réussi à le faire pendant l'année, ils comptent nous autres qu'on fasse ça à leurs enfants pendant le mois qu'on est ici. OK? Bon. Puis la majorité des parents, c'est ce qui arrivait. Ils débarquent les enfants, là, puis ils espèrent qu'on va leur donner de la discipline, qu'on va leur donner ceci, qu'on va... Bon, qu'on va être fatigué assez pour que tu sois calme dans la maison et que tu commences à l'école convenablement. Alors, c'est tout à fait débile et la majorité vont dire non. Mais c'est ce qu'ils font comme ajustement. Et souvent, les professeurs font la même chose. Parce qu'en fin de compte, les paramètres de l'instruction, les parents doivent rencontrer les professeurs. Les paramètres, qu'est-ce que moi je permets en tant que parent ou prof? T'as-tu le droit de temps en temps de donner une claque qu'il me fait? T'as-tu le droit de... Faut que je connaisse mon prof, évidemment. Mais si je le rencontre, jamais le prof, pas par une lettre que je dis ça. C'est quoi la relation? Les professeurs connaissent tout. Parce que le parent qui vient dire, ouais, mais il me semble que dans l'enseignement, là, les professeurs sont plus généreux. Professeur français. Bon. Si les professeurs disent, oui, mais à la maison, les parents sont frustrés. Parents, c'est à un moment donné, il faut qu'il y ait un consensus. Le consensus ne doit jamais oublier l'enfant. Et on fonctionne toujours dans le dos. Pas forcément qu'on a des problèmes. On a des problèmes en tant qu'adulte parce qu'on agit en tant qu'adulte comme on agit avec les enfants. Hein? On structure notre société comme on structure notre éducation. Ça ne va pas à l'école, ça ne va pas ailleurs non plus. On va dire que ça ne marche pas si mal. On a des contrats ici, des contrats ici, d'accord? Mais en tant qu'humain, on n'est pas une machine. Collectivement, on est une machine. L'école marche bien collectivement. On a de plus en plus d'enfants qui sont diplômés de secondaire 5. Hein? Mais 40% de quelques années, on approche du 80%, on est 15%. Alors, on dit l'école va de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de chômage, pas à faute de l'école. On fabrique des diplômés, mais est-ce qu'on fabrique des êtres humains qui ont envie de fonctionner diplômés dans une société? Autre chose. Et tout ça commence à se faire. C'est sûr qu'on va dire, oui, mais là, on fait le procès de la société. Et à un moment donné, si on ne fait jamais aucun procès, on fait quoi? Il faut qu'on en parle. Certains parents vont dire, oui, mais moi, je ne peux pas rien faire. Les profs vont dire, oui, mais moi, je ne peux pas rien faire. Et c'est le mot du problème de la personne ancienne, c'est qu'elle est toujours convaincue qu'individuellement, elle ne vaut rien. C'est ça qu'elle a appris à l'école, c'est ça qu'elle enseigne en plus à ses enfants. Fait qu'elle avait qu'à penser à la même chose. Quand un enfant dit, fait chaud, professeur, s'il est correct, lui, il s'en fout. S'il y a 15 qui disent, fait chaud, là, il va dire, peut-être qu'il fait chaud. On a toujours l'impression que quand un individu dit quelque chose, ça ne vaut rien. Puis, en fin de compte, l'individu, l'adulte, le professeur, comme les parents, comme les citoyens font la même affaire. Un individu, ça vaut rien. Si un individu voit que le feu y est pris, ça veut rien dire. Si le matin, il voit, ça veut peut-être dire que le feu est pris. Bon. Plus on a peur, plus on trust le citoyen, l'individu. Mais moins on a peur, moins on l'écoute. Alors, un enfant qui dit une chose, c'est extrêmement important. L'éducateur va dire oui, mais s'il faut que je m'occupe de tous les enfants, que j'en sortirai pas. C'est maintenant plus épuisant de se faire charrier par juste un avec lequel on n'a pas de contact que d'arriver à rentrer dans sa classe et avoir du fun avec toute la gang. Quand on sort de là, on est pété, on se couche, on fait un crédit au lendemain. Bon, c'est même ça marche. C'est familial. C'est on ne l'a plus non plus, on ne l'a peut-être pas eu souvent non plus. Ce que je voulais dire, c'est facile de dire on a du fun avec des enfants, on a du contact, tout ça. Mais c'est comme la grosse machine en arrière qui vient de dire que tu as un programme à rencontrer, que tu as des choses à rendre compte aux parents. Eux s'attendent à avoir un certain rendement, d'avoir des belles notes. Oui, c'est tout un changement de mentalité. C'est de retransformer complètement l'idée que l'on a d'une école, de ce que c'est une société. C'est une retransformation complète qu'il faut arriver à faire à ce moment-là. Un jour, peut-être, on travaillera directement avec des commissions scolaires, ou directement avec des écoles, ou directement avec des comités de parents. On pourra, il y aura donc des choses à faire. Sauf qu'en attendant, c'est évident que toute la grosse machine qui est traditionnelle, qui ne veut pas changer, hein, à un moment donné, tu mets un ministre quelque part, il faut que tous les enfants aillent à l'église. Bon, évidemment, ça serait un problème majeur. C'est évident. Les églises vont brûler tous les enfants. Bon, il y aura des petits romans. Bon. Il y a quand même beaucoup de choses à prendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est évident que toute la structure en arrière est là et que le parent, comme le professeur, ne peut pas décider carrément de tout changer. Sauf que ça ne l'empêche pas, lui, de faire un travail social, un travail politique, s'il le faut, pour lentement induire les choses. On sent petit à petit que ça va de soi. Tu peux pas prendre un enfant nouveau puis le carrer convenablement puis qu'il rentre chez lui, on le bat. Bon. Le parent, il regarde la note pour savoir si son enfant marche bien à l'école. Il regarde pas l'enfant. T'sais, on se fout carrément de l'enfant. Bon, le parent, il regarde la note. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Il ne demandera jamais si c'est bien. Es-tu heureux à l'école? Il ne demande jamais ça. C'est mauvais. Tu pourrais te forcer plus. Qu'est-ce que tu en sais? L'enfant pourrait dire, montre-moi donc ton bulletin. À la même époque. Il n'y a pas beaucoup de parents qui vont avoir mieux. Il n'y en a pas énormément, il va en avoir, mais il n'y en a pas énormément. Et les parents vont trouver que c'est pas bon. Ça fait une chose. Ayez confiance en vos enfants. Vous avez été des enfants, la majorité, vous avez été des enfants débiles. Des enfants là, qui étaient, bon, hein, qui étaient la misère des parents à l'époque. Bon. Parce que vous allez vous asseoir dans la grange à un moment donné, ça fait. Là, puis, mon chien, moi, c'est Paul, là, c'était extrêmement dangereux. Bon, il y en a qui n'ont pas connu les granges. Bon. Mais vous étiez des enfants quand même qui, souvent, les parents puis toute la structure sociale s'inquiétaient de ce que vous étiez pour devenir. Mais sacrebleu, vous, c'est pire que ça! Maintenant que vous êtes ce que vous êtes, ben non. Il y en a qui ont des problèmes à l'école, puis qui maintenant travaillent très bien. Il y en a qui étaient zéro dans rien, dans tout, qui maintenant sont en affaires. Il y en a qui sont sous le chômage, il y en a qui sont sous le bien-être, et des conditions sociales. Mais en tant qu'humain, est-ce que réellement votre condition scolaire au niveau des notes, aurait fait que vous auriez été mieux? Peut-être que non. Au niveau du contact, peut-être que oui. Au niveau du contact entre de l'incompréhension qui se passe au niveau de la vie, peut-être que oui. Les enfants, c'est pareil. Mais qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Il va se démerder plus tard. Si t'es pas capable de lui rentrer dans la tête des tu sais, qu'il doit être tel job, le médecin aussi, ou ça, si t'es pas capable de le programmer pour qu'il devienne ça, de toute façon, est-ce que tu puisses te coucher et dire... Pour que les enfants n'aient pas raconté aux parents ce qu'on fait. Chez les scouts, la même chose. On campait avec des louveteaux, on campait avec des éclaireurs, puis on faisait des choses absolument géniales pour les enfants, mais il ne fallait pas qu'ils en parlent à leurs parents, parce que les parents, ils allaient retirer dessus. Rien de dangereux, ben, la vie, c'est toujours un peu risqué. Vous jouez au baseball, hein, vous dire, oh, OK, il y en a qui se tuent. Bon, rien de dangereux, dans les limites quand même de la chose. Sauf qu'il y a un moment donné, ben, c'est ça, il y a des choses qui ne doivent pas être dites. Toi, tu vas dire, bon, ben moi, ça me tente d'avoir une relation tout à fait libérale avec mon enfant. Parfait. Mais il faut que tu lui expliques de ne pas parler à ses chums. Parce qu'il va avoir un sentiment d'anormalité à un moment donné s'il n'est pas suffisamment avancé dans sa transition. Un programme qui doit être rempli, s'il est fait d'une façon, dans le sens que l'enfant participe complètement à ce qui se fait, mais l'autre qui n'a pas compris, est-ce qu'on l'attend ou bien non, si on dit ben il faut faire son cheminement en temps et lieu, comme dans la vie courante d'ailleurs? Bon, ça c'est une chose, une question qui est mauditement importante. Tu as deux enfants, tu en as un qui marche, l'autre qui marche plus lentement. lequel tu félicites celui qui est en haut, puis tu as fait de t'occuper de celui-là. On a une tendance souvent à s'occuper plutôt de celui qui marche mal, ou puis de causer les autres. Bon. On a eu, à un moment donné, une structure absolument abominable, la structure enrichie, régulier puis allégée. Celui qui a de la misère à suivre, on n'avait pas une structure pédagogique pour l'aider à monter. Non, on clairait de la matière simplement. Fait qu'évidemment, il se ramassait sur le bien-être. Bon. L'enrichi, on enrichissait sa matière. Le régulier, on le tenait dans ce qui était normal. Bon. L'enfant qui comprend pas, on doit s'en occuper. Et le gros problème, c'est que les instructeurs, les parents comme les instructeurs, les éducateurs, ont une peur immense d'entrer. Vous savez, l'être humain, je dis souvent que l'être humain, c'est pas de la merde, mais il se pense médiocre, en sacré bleu. T'es-tu psychologue? Alors, comment tu vas faire parler avec un enfant qui a un problème? Vous êtes des êtres humains. C'est mieux qu'un psychologue. Sauf que vous devez vous supporter. Vous accepter en tant qu'être humain. Alors, on va dire, oui, mais il y en a un qui a ben des problèmes. Puis, il est tout sale. Puis, il morfe toujours. Puis, il a toujours les mêmes vieilles culottes. Ils sont trop grandes. Est-ce que je devrais rencontrer ses parents pour dire à ses parents qu'ils devraient y acheter du linge mieux, qu'ils devraient y expliquer comment ils devraient se moucher, qu'ils devraient y laver la tête de temps en temps? L'enfant n'a pas besoin d'arriver avec une forme qui va te plaire. C'est pas ça qu'il a besoin, là. OK? Alors, l'éducateur, évidemment, c'est ça qui est le maudit problème encore, c'est que quels sont les paramètres que tu laisses à l'autre? Les parents te permettent quoi? Puis toi, tu leur permets quoi? Bon, ça n'a jamais été défini, hein? Puis on ne permet pas grand-chose, sauf qu'on poursuit facilement. C'est tout à fait stupide, mais pour l'instant, on en est là. C'est sûr, donc, c'est dangereux, parce que je ne fais pas une conférence pour tout transformer, c'est pour expliquer des choses. L'enfant, on doit avoir une relation avec pour simplement comprendre puis s'arranger pour intelligencer ce qui se passe. L'enfant qui a de la misère à suivre, il y a un problème. Ça se peut que neuroniquement, il ne soit pas constitué, hein, que son cerveau ne soit pas une programmation génétique suffisante pour lui permettre de suivre un rythme d'évolution qui serait naturel ou qui serait classé normal pour les autres. Cet enfant-là a besoin donc d'un travail spécialisé, adapté à lui. On ne peut pas adapter l'enfant à ce qu'on veut faire. On doit adapter ce qu'on veut faire à l'enfant. Quand l'adaptation de ce qu'on veut faire aux enfants dépasse certaines limites par rapport à une classe, bien, c'est évident qu'on forme un cours spécial. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que le moindrement, s'il n'y a pas de cours spécial, l'instituteur, comme le parent, se fend derrière pour donner à l'enfant. À un moment donné, on crée un cours spécial. Il y en a un qui a un petit peu ce problème-là, tu le boucles dedans. Tu y arrives. Il y en a un, par exemple, qui a des problèmes de prononciation, de bégaiement. Prenons l'exemple du bégaiement. Alors, la mère ou le père peut s'arranger pour instruire l'enfant. Ah, il y a un cours pour les becs à l'école. Tu le revenais de suite. Mais si lui fait que bégayer à tous les 15 mots, il se ramasse une classe qu'on bégaye à toutes les lettres, bien, il va apprendre à bégayer pour commencer. Parce qu'avant qu'on ait réussi à reformer la classe, lui, il va se former à la classe. Fait qu'il va apprendre à bégayer, il va apprendre à plus bégayer. Alors, on a un problème. On a un enfant qui est un petit peu hyperactif. Il y a une classe hyperactive, tout le chip dedans. Ça devient stupide. C'est ça qui est le problème. Il faut que l'individu, l'adulte... Vous savez, toute votre évolution, plus souvent qu'autrement, vous la laissez assumer par les autres. Et l'éducation des enfants, on la laisse aussi assumer par les autres. Sacrebleu, le professeur qui arrive, qui éduque vos enfants, bien, son enfant est souvent drogué. Hein? Et souvent, un enfant qui a un paquet de problèmes. Puis c'est lui qui éduque les nôtres. Alors, il n'a pas la solution clé. Mais on se fie sur quoi? On se fie sur la reconnaissance, par exemple, du ministère de l'Éducation. On se fie sur des reconnaissances. Mais l'enfant est un être humain, c'est pas une machine. Quand tu as porté ton char chez le mécanicien, la reconnaissance, ça peut aller. Quand tu as porté ton enfant à l'école, la reconnaissance, c'est autre chose. Il y a des écoles qui ont tenté de suppléer ce problème-là, ça n'a pas marché, parce qu'on ne comprend pas, on tente de supplanter, on prend un enfant qui est apparemment bizarre, un enfant nouveau, puis on part avec toute notre structure émotive pour l'aimer, hein, on donne plein d'amour. Lui, il se gargarise avec ça, puis il finit là. On veut lui donner de l'attention, de l'affection, on veut, mais c'est pas ça que l'enfant a besoin. L'enfant a besoin simplement de savoir pourquoi il est là. Puis là, on lui fait comprendre que c'est un instrument pour exprimer l'affection des adultes. Il y en a beaucoup de parents qui ont eu des enfants parce qu'ils voulaient avoir une poupée pour le jouer des choses. Bon. Et à un moment donné, quand il faut s'éduquer, bien là, ça complique les choses. Bon, il y a toute une panoplie de choses qui sont importantes, et dans n'importe quelle, la majorité des problèmes, c'est le manque de communication. C'est sûr que si l'enfant, il est légèrement plus, il y a des problèmes, parce qu'il peut avoir une constitution neuronique qui est déficiente. Alors, on le classe quelque part, dans une école ou dans une classe qui est adaptée à ça. Mais même pour lui, la relation reste la même que pour l'enfant nouveau. Il y a le seul problème qu'il y a, c'est la peur. C'est le problème des parents et des instructeurs, la peur. On va dire être parent ou être instructeur, c'est le plus grand métier du monde, puis on n'a pas de cours pour ça. Hein? Tu deviens parent quand le bébé sort, mais t'as pas... Bon, OK. Sauf que, qu'est-ce qui empêche le parent d'apprendre avec l'enfant? C'est la peur. Je fais-tu bien? Est-ce que je suis une bonne mère ou un bon père? Ton petit gars va aller à l'école en jean, puis il aime les jeans qui ont un trou dans le genou. Mais les parents ne veulent pas parce qu'on va penser que les parents sont pauvres, ben non, qu'ils ne s'occupent pas comme il faut de leurs enfants. Mais quand ils donnent une paire de jeans qui n'a pas de trou, tu ne t'occupes pas comme il faut de ton enfant, mais personne ne va le savoir. Quand ils donnent une paire de jeans qui a un trou, ça en occupe comme il faut, puis encore une fois, pas grand monde qui va le savoir. Mais qu'est-ce qui est important? Est-ce que tu vas sentir comme parent ou est-ce que ton enfant va vivre dans l'immédiat terme? Toute la relation scolaire ou parentale doit être basée là-dessus. L'immédiat terme. Qu'est-ce que tu vis, là? Puis c'est pas un trip psychologique. C'est pas pour te demander qu'est-ce que tu vis, là? Pas ça. Mais vous devez savoir que là, présentement, on vit. Bon. Il vit. Il prend son bain, à un moment donné, il met du Mr. Bubbles dedans, puis il en met assez plein, puis il en met dans la toilette, dans le lavabo, puis dans la piscine du voisin. Bon. Ça crée de la mousse partout. C'est évident que c'est pas correct. Qu'est-ce qu'on fait? On le chicane? Non. On rentre dans la mousse avec pour jouer avec. Là, on va dire, il apprendra pas grand-chose, un minute, un instant. Quand c'est fini, on fait le ménage à deux. La prochaine fois, il n'en mettra pas de la mousse. Mais il n'aura jamais compris qu'il ne faut pas en mettre parce que tu viens folle ou que tu viens fou. Il n'en mettra pas parce qu'il ne tendra pas faire le ménage. Puis qu'est-ce qu'il va penser des parents? Bien, des parents au bout. Il aura appris par l'intelligence, pas par la punition. Continuellement, c'est facile. Les enfants ne sont pas fous, sauf qu'on ne prend pas le temps de leur expliquer. Puis en leur expliquant, on s'apprend. Donc, il faut qu'on prenne le temps. Je pense qu'il y a aussi le fait que les gens sont surchargés par tout ce qui... C'est faux. Non, des excuses? Hey, t'es surchargé par ton repos, par ton sport, par ton cinéma. Puis t'es surchargé aussi par ta surcharge. OK. Tu es surchargé parce que tu n'arrives plus à vivre dans l'immédiat terme. Faut que tu penses un jour à plus tard. Mais il faut que l'humain vive comme il doit éduquer. Faut que tu vives comme tu dois éduquer. Tu vas rentrer un soir, tu es fatigué, tu n'as pas le goût de parler à personne, tu t'écrases dans ton fauteuil puis tu ne veux rien savoir. C'est sûr que si ton fils ou ta fille vient te voir et te dit hey, j'aimerais ça que tu me fasses un massage à la jambe, mal à la jambe. Et ça ne te tente pas. Échange-le. Si t'en fais un massage, ça va-tu te tenter d'y en faire un massage? De fortes chances que ça te tente d'avoir une relation avec ton enfant. Avec ta femme, avec ton mari, c'est le même phénomène. Sauf qu'on a... Non, c'est faux. C'est faux. J'ai plus le temps de lire mon journal. Tu vas apprendre dedans, à un moment donné, qu'il y a un enfant qui s'est suicidé. OK? Puis quand tu vas lire le nom, tu vas sursauter. Fait que laisse donc ton journal, puis occupe-toi-en donc tout de suite. T'as toute une panoplie de folie au niveau de... C'est intéressant et intelligent parce que ça oblige l'humain à se prendre en main à un moment donné parce qu'il se rend compte que tout ce qui se devrait de le supporter, le supporte bien mal, c'est bon. Sauf qu'on n'a pas le temps et c'est faux. Hein? Je le dis, le pire ennemi de l'homme ancien, c'est le temps, et le meilleur allié de l'homme nouveau, c'est le temps. Il y en a un qui se coordonne suffisamment puis qui vit et qui a le temps, tandis que l'autre est toujours en course, toujours pressé, puis il n'a jamais le temps. Mais c'est tout à fait... Tu as des enfants, tu as des adultes qui vont arriver en retard. On fait une conférence, on commence à 8 heures, d'arriver en retard. On commence à 8h30, vont arriver en retard. On commence à minuit, vont arriver en retard. Ils n'ont pas le temps. Ils sont toujours en course. C'est vrai qu'ils sont toujours en course. Puis vous marchez avec, on est trois, vous marchez, t'es en arrière. En arrière. Tu t'habilles, t'es toute prête, elle est pas prête. Là, tu lui dis, habille-toi quand t'as tes bottes, tu me le dis. OK, je suis prête. Tu t'habilles, tu viens me sortir. Non, elle a oublié de retourner faire une affaire. Elle fait ci, elle fait ça. Bon. Pourquoi? Parce qu'on est surchargé. ou parce qu'on est programmé à être surchargé. On se croit médiocre et on s'orchestre pour avoir raison. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas le temps, mais on a toujours le temps. Puis quand on n'a pas le temps, on tranche à des places puis on prend le temps. Il y en a beaucoup qui sont malades, ils n'ont pas le temps de se mettre en santé. Mais à un moment donné, si vous ne prenez pas le temps, c'est le temps qui va vous prendre. Continuellement, mais c'est faux. Faut que tu penses à une affaire. Rien qui t'empêche de courir en y pensant. Rien qui t'empêche de faire du conditionnement en y pensant. Puis en plus, tu regagnes au niveau de tes vitesses de pensée. Non, ça, c'est une excuse qui est réelle, mais qui est facilement transcendable. C'est une excuse qu'on peut changer. On a besoin souvent de justification. Oui, c'est ton maudit programme scolaire que t'as pas le temps de passer. Moi, je l'ai eu un prof absolument génial. Il a pas été mis dehors de l'école parce qu'il était suffisamment intelligent. Hein, c'était réellement une personne relativement transitive, pour réussir à se faire comme allié toute la structure pédagogique de l'école, une école secondaire. Quand il enseignait le français, puis les élèves avaient des maudites bonnes notes, même s'ils détestaient le français, mais ils adoraient le prof. Le directeur rentre dans la classe, puis il vient chercher un élève qui est arrivé en retard. Est-ce que l'élève tel serait ici? L'élève, il dit oui. Là, le prof, il prend sa boîte de craie, puis il commence à en tirer sur le directeur, puis on fait deux fois le tour de l'école. Puis ça, c'est pas une farce. Deux fois le tour de l'école, le professeur qui tirait le directeur. Le directeur n'est plus jamais venu chercher un élève dans ce classe-là. Là, le directeur, qu'est-ce qu'il est venu dire? Oui, mais! Il a dit, hey, il y a un cours de français, c'est important. Si c'est pas important, puis que n'importe qui peut le déranger n'importe quand, on donne-en pas. Sinon, on en donne un, puis on le donne convenablement. Les élèves, ils ont pas ri, tu penses, de voir le prof passer le directeur, puis là, personne ne croyait. Bon, il y avait une folie furieuse, ce prof-là. Il allait piquer et il gardait des élèves en sauterie. C'était pas une retenue, c'est une sauterie. Bon, puis là, sauterie, personne ne connaît ça. On regarde dans le dictionnaire, petite soirée dansante. C'est une sauterie. Bon. Les élèves étaient en sauterie. Il y a trois élèves en sauterie. C'est plate en sacrableu, les élèves en sauterie. Tu sais, qui sont dans le coin puis qui niaisent. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il sort dehors, puis quand il voit un élève qui est dans sa classe, il pique un livre à l'élève, puis il rentre dans sa classe avec. Fait que l'élève, ben, il rentre dans la classe avec, il est pris dans sauterie aussi. Bon. Fait qu'il était connu dans toute l'école. Mais les élèves aimaient et les élèves avaient des bonnes notes. Puis comment il s'est organisé pour bien passer? Je n'ai connu un autre qui a mis dehors tout de suite. Bon, mais lui, il n'était pas assez ajusté. Comment il s'organisait? Il avait une relation autant avec les adultes, avec les autres profs, qu'avec les élèves. Quand il y avait une chicane, qu'est-ce qu'il faisait? Il se sauvait. Une bataille, là, il se sauvait. Pourquoi tu vas dire, mais il n'est pas adulte, il faudrait qu'il empêche ça. Non, non, il y a en masse de profs qui aiment empêcher ça, il est laissé aller. Tant, ces profs-là ont des fois pas de relation avec les jeunes. Fait qu'il les a empêchés. Lui, il en a, il s'en mêle pas. Fait qu'il va pouvoir rejoindre avec les deux autres après. Il y a une panoplie de choses. Tu avais trois ou quatre élèves dans le corridor, ils rentraient avec sa baguette. Pas des manifestations. Il appelait ça comme ça. Ils rentraient dans le loup et dispersaient tout le monde. Mais les élèves avaient du fun. Quand ils voyaient dans le corridor, tout le monde se cachait dans les toilettes ou dans les cartes. Mais le monde aimait ça. Il y avait un prof au moins qui avait de l'allure, là. T'sais? Alors, de quelle façon? Ça, c'est un exemple. Est-ce qu'on doit copier? On ne copie pas. On n'emprunte jamais la vie d'un autre. Mais soit, on apprend à vivre. Redevenir enfant un peu. Non! Être ce qu'on est! Pas redevenir enfant. Ça, c'est spirituel. Ça sert à rien. On peut pas redevenir enfant. Mais est-ce que réellement, on est tous des vieux? Plus vieux que vieux? Est-ce qu'on est tous décristallisés? On est-tu déjà tous morts? On ne redevient pas enfant. Mais est-ce que nécessairement, parce qu'à un moment donné, on a de la barbe ou qu'on a d'autres choses qui poussent ailleurs, automatiquement, il faut cesser de s'amuser. Automatiquement, il faut cesser de jouer, de rire, de s'émerveiller. Automatiquement, il faut couper contact avec la vie. Puis lorsqu'on veut retrouver les contacts avec la vie, on dit qu'il faut redevenir enfant. Faut pas devenir enfant. L'enfant, c'est une structure pédagogique, hein? C'est une structure réellement que tu peux instruire parce qu'il manque des éléments. Mais la nature, disons qu'on spirituellement va dire pure de l'enfant, c'est pas quelque chose que tu peux alimenter, c'est là. Sauf que dans tout ce qu'on embarque, on l'écrase. Bon, mais à travers n'importe quel des humains, c'est toujours là. Jouer dans un bain de boîte, il n'y a pas un enfant qui n'aime pas ça. Les adultes, il faut qu'ils poussent en sacrableu pour qu'ils rentrent dedans. Mais une fois dedans, la majorité vont commencer à aimer ça. Ils ne redeviennent pas enfants, ils sont eux-mêmes. Sauf qu'on est tellement cadrés par ce qu'on devrait être plutôt que de laisser exprimer ce qu'on est. L'évolution, c'est, avoir des enfants, vous savez, c'est génial. À la condition, justement, qu'on accepte qu'ils nous instruisent. À un moment donné, l'enfant, à 4 ans, il sort à poil de la chambre de bain, puis il traverse ses invités, puis il s'en va dans sa chambre. Là, tout le monde a des gros yeux, là. Ben oui, mais là, il faut qu'on aille dire à l'enfant que ça se fait pas. Ben, il faudra qu'il sache en maudit pourquoi ça se fait pas. Parce que lui, c'est ce qu'il se rappelle quand il est venu au monde, c'est le même. Bon. Là, il cherche en sacre à bleu pourquoi ça se fait pas. Là, il faut lui expliquer que des individus qui sont suffisamment dénaturés, que quand ils voient certaines parties du corps, ben là, ils viennent fous. Bon. Là, tu vas leur dire, oui, mais c'est deux affaires. Non, c'est pas ça que tu dis. Tu leur dis, on discutait des plantes, puis le reste de la soirée, on a discuté de toi. Ça me tente pas de passer mes soirées à discuter de toi. Fait que s'il vous plaît, organisez pour qu'on parle plus de toi. OK, c'est un compromis. Il va sortir avec une serviette, il va sortir habillé. T'sais? Mais il reste lui. On dénature toujours. Il y a une chose très importante. Tout ce qui ne se fait pas, si on veut éduquer un enfant nouveau, il faut mettre ça aux poubelles. Parce qu'il n'y a rien qui ne se fait pas. T'sais, essaye d'expliquer à un enfant que ça ne se fait pas. Il vient de le faire. T'sais, ça ne se fait pas. Et t'as fait en maudit. Quelles sont les limites que l'on doit imposer à l'enfant nouveau? Ne peut-il pas supporter une pleine liberté? Lui imposer des limites n'est-il pas une insulte à son intelligence? Non, absolument pas. L'enfant est suffisamment intelligent et suffisamment ajusté à lui-même qu'il saura très bien ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire et ce qu'il pense pouvoir faire. Ça veut dire que si, par exemple, on va dans un zoo, on va surveiller l'enfant, dépendant de l'âge, pour qu'à un moment donné, il perde pas un bras, comme ça arrive de temps en temps. Si on va n'importe où, on va, par exemple, sur le bord des chutes du Niagara, Superman n'est peut-être pas dans le coin, ce qui fait qu'on explique à l'enfant qu'il ne devrait pas se pendre pour ne pas tomber en bas. Bon. On va sur le bord de précipice, on visite des parcs canadiens, on fait des choses, et il y a des dangers. L'enfant doit être déjà de base, savoir que la mort, c'est la signature de la vie. L'enfant, s'il sait mourir, il saura vivre. Évidemment, l'adulte ne détecte jamais la mort, l'adulte a peur pour lui-même. Sauf que l'enfant doit savoir que son corps physique, c'est extrêmement compliqué, c'est génial, mais c'est fragile. Bon, donc l'enfant doit savoir qu'il y a des choses qui sont risquées et le parent doit paramétrer ces choses-là. Continuellement, si on paramètre, à un moment donné, on va dire « Non, c'est dangereux. Oui, mais je suis capable. Je veux pas que tu y ailles, c'est dangereux. » Là, il va recommencer « Oui, mais je veux y aller pareil. » Tu sais, mettons, monter dans un arbre. C'est normal, l'enfant monte d'un arbre. Il y a un risque qu'il tombe, qu'il se casse une jambe. Mais c'est un risque qu'il faut courir. Il y a un risque qu'il tombe, qu'il se tue. C'est un risque qu'il faut aussi courir. Parce que de toute façon, à un moment donné, il va faire des choses, vous ne serez pas là. Alors, autant qu'on paramètre un peu. Alors, il y a donc, c'est ça qui est le problème. C'est qu'on éduque toujours les enfants émotivement. Il faut les éduquer intelligemment. Il y a des risques à courir avec la vie, l'enfant doit apprendre à les connaître. Et le paramètre qu'on doit lui donner, si on l'explique à l'enfant, non, ça je veux pas, parce que c'est dangereux, t'es pas prête. Et ça, lui ne se sentira pas insulté qu'on lui dise qu'il n'est pas prête. Il peut dire, pourquoi je suis pas prête? Parce que t'as pas les bras assez grands, physiquement t'es pas assez fort, deuxièmement t'as pas assez d'expérience, troisièmement, il y a des branches qui sont glissantes, on parle toujours de l'arbre. Tu sais, trouver des choses. Quatrièmement, tu n'as pas encore vu suffisamment de nids de guêpes pour les différencier d'un arbre. Cinquièmement, il y a, tu sais, trouver des raisons. Parce que s'il n'y a pas de raison, pourquoi vous ne voulez pas qu'il fasse? S'il n'y a pas de raison, qu'il fasse pas. On ne veut pas donner de raison. Tu sais, c'est suffisant. Moi, je suis le père. Moi, je suis la mère. Moi, je suis le prof. Moi, je suis le flic. Moi, je suis ci. Moi, je suis ça. Pas de raison. Non, ça marche pas. Alors donc, on doit paramétrer et l'enfant nouveau va se sentir très sécure dans un contexte parce que, savez une chose, c'est que pour paramétrer un enfant, ça prend de l'énergie. Le paramétrer intelligemment, créer une structure de limite, ça prend de l'énergie. Et ça, c'est un échange dans l'immédiat terme. Pas toujours être en train de gueuler, parce que quand tu gueules tout le temps, tu sais, il finit par se programmer, lui. Fait que quand tu parles en bas, il t'entend pas. Quand tu gueules, c'est normal. Si tu veux gueuler, il faut que tu gueules en sacré bleu, puis ça monte en haut. Fait que si tu parles toujours bas, quand tu gueules, là, il sait. Mais quand tu gueules tout le temps, c'est plus bon. Au niveau du paramétrage, c'est le même phénomène. L'enfant, lui, sait très bien que si tu es là pour le préserver, en partant, c'est qu'il y a une relation entre lui et toi. Tandis que l'enfant, tu laisses toujours tout libre, ça va pas. L'enfant bouffe dans un pot de caramel, puis s'engouille, il en prend. Faut paramétrer, ça devient stupide. Et la meilleure chose, évidemment, c'est de pas jeter de caramel. Bon, mais mettons qu'on achète quand même. Bon. Alors, évidemment, l'enfant fouille là-dedans. L'enfant bouffe régulièrement. L'enfant veut des chips. L'enfant veut tout ce qu'il y a à la télévision. Vous savez, l'enfant s'appelle Noël. Son nom, Noël. On ne doit jamais baptiser l'enfant Noël après ça. Et là, dans le temps des fêtes, il y a la publicité. Achetez ceci pour Noël! Il est fait. Hein? Il va-t-il en avoir des choses qu'il faut acheter pour Noël? Bon, Molson pour Noël. Bon. Alors, c'est un danger social. On doit donc limiter l'enfant à une panoplie de choses, mais on doit lui expliquer. Sauf que c'est évident qu'on va dire, oui, parce qu'on doit, frapper un enfant. Ça l'aide, ça sert. Dans des régions qui ne le traumatisent pas trop, c'est pas nécessaire de donner une volée pour qu'il revole. Mais plus on frappe, plus il faut frapper fort. Donc, moins on frappe, mieux c'est. D'accord? Ça, c'est important. Il y a beaucoup d'adultes qui vont dire, non, on ne doit pas éduquer un enfant en le frappant. Faut s'entendre par frapper, là. Je parle, tu sais, tu le touches pas souvent. Fait quand tu vas le toucher, il va savoir c'est quoi. C'est comme quand on dresse un lion. Fouette en avant lui, mais il frappe le pas. Mais l'enfant, c'est similaire. Tu sais, tu donnes pas une claque pour qu'il revole. Il faut qu'il sache. Faut absolument qu'il y ait des nuances de communication. L'enfant, lui, comment peut-il savoir que vous êtes choqué si vous criez tout le temps? Ben, il sait pas. On en voit souvent des adultes, bon, à la banque. Petit enfant qui grimpe, qui prend un papier, puis qui prend l'autre, puis qui prend l'autre, puis là, il met à terre, puis il prend l'autre, puis il prend l'autre. Alors, ouais, Frédéric, déchite! Tu gars, il continue. Frédéric, tu manges une volée! Puis, tu gars, il continue. Frédéric, mon père de ton père, puis il continue. Frédéric, maudit! Puis là, le ramasse, ça l'amène. Il repart. Frédéric, là, il chute, là. Puis là, regarde tout le monde, là, passant. Frédéric! Tu veux continuer? On met même 24 heures sur 24. Lui, qu'est-ce qu'il voit là-dedans? Il voit rien. Là, si sa mère perd connaissance, là, il va voir de quoi. Et à un moment donné, on en arrive à éduquer avec trop de puissance. Tandis que si continuellement, tu as une communication avec l'enfant, puis à un moment donné, ton enfant. Ben, tu sais, t'es un naturiste, t'es toujours dans le bois avec, puis il fait ses besoins dans le bois. Là, t'es à la banque. Il y a 3 ans. Non, il y a des moments donnés où ce que là, ça devient urgent de paramétrer. Bon. Mais si tu es habitué à toujours lui expliquer puis à parler avec un certain tombe de voix, faut qu'il différencie quand tu veux entrer en communication émotive. Quand tu veux entrer en communication mentale pour qu'il comprenne quelque chose. Quand tu veux entrer en communication de rapidité immédiate. Je vais donner quelques exemples. Bon. Communication émotive, toucher. Tu te mets à son niveau. Les adultes n'osent pas se plier. Ils ont des quadriceps fémoraux trop faibles, peut-être pour les faire lever, je ne le sais pas. En tout cas, relevez-vous à 4 pattes, puis montez-vous sur un mur, mais c'est bon de prendre du temps, de l'énergie pour se baisser. Tu sais, il y en a qui vont prendre l'enfant et vont le lever. Mais c'est pas ça que l'enfant aime. Il aime ça à terre, le sentir sur ses pieds. C'est très insultant. Imaginez-vous, vous mesurez 4 pieds, vous êtes un adulte. Il y a un adulte de 6 pieds qui passe. « Ah, bonjour, M. Kim! Comment ça a été hier? » Vous savez comment? Il se sent pareil. Bon. Alors, il reste au sol. D'accord? Non, c'est con, mais c'est important. On s'éduque en éduquant. C'est très important. Alors donc... Le contact émotif, il faut que l'enfant sache que tu veux communiquer émotivement. Il y aura donc un ajustement, un contact physique, il va percevoir ta vibration, il va savoir, et il y a une voix à développer. Tu ne cries pas, tu parles. Il y a une voix émotive, il y a une voix à développer. Un contact mental, tu travailles au niveau de l'enfant, ce n'est pas nécessaire de lui toucher. Il faut qu'il sache que là, c'est un autre plan que tu veux aller chercher. Un plan intellectuel, un plan mental. Et là, tu vas parler avec une voix plus logique, une voix qui cadre. Oui, mais j'aime pas ça. Il n'est pas question d'aimer. Il est question d'intelligence. OK? T'aimes pas ça regarder en traversant la rue, mais un jour, il y a un char qui va te frapper et t'aimeras pas ça non plus. OK? Alors, il n'est pas question d'émotion. C'est pas un choix émotif. Même à 6 ans, il va comprendre. Bon, tu vas. Quand tu veux avoir une communication d'immédiat terme, c'est-à-dire une communication comme par exemple, attention, il y a un chien! Si tu vois, on t'en crie, attention, touche pas à la cuillère! Attention, fais pas ça! Attention, mouchoir! À un moment donné, il y a un chien qui va sauter dessus. Attention, il y a un chien! Il ne bouge pas plus, lui. Attention, chat! Paf! La vie, c'est dangereux comme c'est plaisant. Alors donc, il doit y avoir maintenant une espèce de code. Où ce que toi, quand tu vas dire ta lui, ça va être une obéissance immédiate, même s'il ne comprend pas, faut qu'il l'accepte, faut qu'il envoie l'intelligence. Ton petit voisin qui commence à se préparer pour faire ce qu'il fait normalement ailleurs, ben, si tu as un code avec, parce que 3 ans, ça comprend suffisamment, ça dépend comment on fait notre code. À un moment donné, ça va être telle chose, il va comprendre, non. Il ne saura pas pourquoi, mais tu vas y expliquer après, par exemple. Et ça, il faut que tu y expliques après. Alors là, il va être capable, de se mettre en attente, en stand-by, pour attendre. Correct, on va attendre. Bon, puis quand c'est fini, tu y expliques. Bon, s'il ne comprend pas, ça ne change rien. S'il comprend, ça ne change rien. La communication de l'immédiat terme va rester claire pour lui. Alors, il y a donc une panoplie de choses. On communique toujours à la même longueur d'onde, et à un moment donné, oubliez ça, c'est fini. Parce que l'enfant ne discerne plus pantoute. Tu viens parler à ton enfant, puis ça tente d'avoir un contact avec. Bonjour, comment c'était à l'école aujourd'hui? Qui c'est qui se dit l'enfant? Il dit, bon, qui c'est qui arrive, lui? Là? Ben oui, c'est pas jamais question. Alors, on voit que ça ne marche pas. Non, c'est pas avec une forme de question, c'est vibratoirement. Quand l'enfant arrive, tu es assis dans telle chaise, il sait que s'il veut venir te voir, il peut venir te voir. Quand tu es dans l'autre chaise, il sait que non. T'sais? Quand tu es assis à ton bureau pour travailler, bien là, c'est non. Sauf que l'enfant, il faut qu'il sache que quand il a besoin, il peut venir. Il va apprendre à te respecter. Il y a toute une panoplie de choses. C'est exactement comme si vous appreniez à vivre. Bon, et après ça, bien évidemment, on éduque les enfants de la même façon. Est-ce qu'un enfant nouveau vit l'insécurité, par exemple, comme quand il s'aperçoit que l'adulte lui ment? Il va vivre une frustration, premièrement, plus qu'une insécurité. Et c'est évident que si jamais il ne peut avoir de réponse convenable de la part des adultes, il vivra une insécurité à un moment donné, dépendant de l'âge de l'enfant. C'est un enfant qui te parle. On peut-tu être les deux enfants, ancien, enfant nouveau? Bon, ça, j'appelle ça un enfant transitif. Comme l'adulte transitif, comme l'homme transitif, comme la femme transitive. Donc, effectivement, on peut être les deux. Il faut remarquer que la majorité des humains, comme des enfants, on est les deux. Il y a des parties chez nous qui grimpent, il y a des parties chez nous qui écrasent, puis on est pogné à lutter, à se battre entre les deux parties. À un moment donné, on veut être ce que ça nous tente, et à un autre moment donné, on ne sait plus. À un moment donné, on veut s'habiller à notre goût. Puis le lendemain matin, ben là, on pense que ce que les autres vont penser de nous autres. On est souvent les deux, et c'est transitif, c'est-à-dire que normalement, c'est la partie nouvelle qui va gagner, mais si on a le temps, on a toute la vie pour le faire. Alors, ce qui fait que le problème ne se pose pas. Et c'est tout à fait normal que l'humain soit deux. Il faut qu'il apprenne à discerner chez lui ce qui est un, puis chez lui ce qui est l'autre. Puis on ne se culpabilise pas d'être un ou l'autre, je répète que ce sont des états. Tout. Sachez une chose, c'est que quand vous voyez que vous avez un problème, offrez-vous un cornet. Parce que si vous voyez que vous avez un problème, c'est que vous êtes positivement plus intelligent pour penser. Parce que sinon, vous ne verriez pas que vous avez un problème. Puis l'humain, quand il voit qu'il y a un problème, il se sent coupable. Il devrait se féliciter. Alors, même affaire pour l'enfant. Quand l'enfant voit que des choses ne sont pas correctes, mais il devrait être content de les voir. Cette énergie-là, il va la garder pour pouvoir transformer ces choses. S'il se sent coupable d'être de même, bien, il est fait. C'est la même affaire pour l'évolution. On a le concept de ce qu'on veut être, puis à un moment donné, on découvre qu'est-ce qu'on est. Là, on se sent coupable. C'est ridicule. Votre théorie n'a-t-elle pas beaucoup de ressemblance avec la théorie des auditifs et des visuels? Bon, premièrement, ce n'est pas une théorie, ce que je vous compte là. C'est de l'observation, c'est déjà vivant. Et les auditifs et les visuels, l'enfant nouveau ne sera ni auditif ni visuel, il sera vital, donc il cumulera et l'auditif et le visuel, mais il aura une perception beaucoup plus vibratoire au niveau vital. À un moment donné, on va évidemment expliquer un peu plus ce genre de choses, mais l'enfant nouveau n'est pas un ou l'autre. Puis l'enfant ancien va être un ou l'autre si on ne lui permet pas, si on ne nuance pas son éducation. Parce que moi, je vois et je retiens tout ce que je mémoise, tout ce que je vois. Je retiens tout ce que j'entends aussi. Je suis donc les deux. Et il y a beaucoup d'individus qui ne sont pas catalogables dans l'un ou l'autre. Et il y a beaucoup d'individus qui sont effectivement catalogables dans l'un ou l'autre. L'enfant nouveau va être vital. Il va donc évidemment cumuler l'auditif et le visuel. Ça va dépendre maintenant de son éducation. Tu dis qu'un enfant nouveau peut aller jusqu'à se suicider pour avoir une chose. Alors, que peut-il se produire si deux enfants nouveaux se disputent? Peuvent-ils aller jusqu'à s'entretuer? Comment agissent des enfants nouveaux entre eux et avec des enfants anciens? Bon, l'enfant nouveau qui naît présentement n'est pas suffisamment nouveau pour créer des problèmes, mais effectivement, deux enfants nouveaux qui vont se chicaner, s'ils n'ont pas été bien paramétrés au niveau de leur formation, peuvent effectivement en arriver au coup et même au meurtre. Bon. Et ça paraît extrêmement banal. On a déjà eu de temps en temps un enfant de 7 ans qui tuait son chum de 6 ans à cause que lui causait sa blonde de 6 ans. Bon. Et ça, c'est arrivé. Et on a quelques souvenirs comme ça. Il y a donc, évidemment, il y a eu des enfants qui sont apparus un peu plus de bonheur. Alors, on va dire, oui, mais c'est dangereux, un sacrableux, un enfant nouveau. Oui, c'est aussi dangereux qu'un adulte. L'enfant nouveau qui se dispute avec un enfant nouveau, ça va être très rare. Parce que normalement, étant donné qu'ils sont suffisamment... c'est un peu comme le Québécois, lorsqu'il va dans un autre pays, il n'a pas assez de Québécois, fait qu'ils ne chicanent plus. Hein, ils se groupent. Alors, l'enfant nouveau, normalement, sera complice d'un autre. Et ça peut devenir dangereux. Tout à l'heure, quand on parlait justement de danger social, pour, avec des enfants nouveaux mal paramétrés, mal éduqués, c'est cela. Alors, l'enfant doit de prime abord comprendre l'écologie. Et ça, les adultes ne le comprennent déjà pas. Ils doivent comprendre l'intelligence d'un cadre social. Les adultes, souvent, ne le comprennent pas. Ils doivent comprendre ce que c'est que vivre dans un monde écologique et qu'est-ce que c'est que l'ajustement. Et lorsque l'enfant nouveau a cellularisé ça, intelligence, c'est ça, compris ça, il n'y a plus de aucun danger à ce qu'il tue. Il va tuer. S'il y a à tuer, mais lorsqu'il va tuer, c'est parce que, selon lui, la personne qu'il tue ne doit pas vivre. Elle nuit au cadre social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, si on n'a pas un système scolaire qui commence, il y a un système parental qui commence à comprendre ce phénomène, ben d'ici 15 ou 20 ans, il y aura de maudits problèmes. Prenons l'exemple, libération du Québec. Mettez 15 000 enfants nouveaux qui décident de se libérer, ça va se libérer. Par les armes, par le feu, par la politique, par n'importe quoi, mais ça va se faire. Alors, c'est extrêmement chiant et ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une idée. On ne bâtit pas des enfants nouveaux. L'enfant nouveau n'est pas un fou. L'enfant nouveau agit comme l'adulte. Et l'enfant nouveau a souvent le potentiel de s'exprimer individuellement beaucoup plus que l'adulte. Donc, s'il lui pense à une chose, avec ou contre tout le monde, il y a de fortes possibilités qu'il l'exprime. Donc, c'est intelligent d'expliquer immédiatement à l'enfant qu'il vit dans un cadre écologique et qu'il doit s'ajuster pour ne pas exprimer nécessairement tout le temps tout ce qu'il veut exprimer comme un fou. Daniel, attention, tu donnes aux enfants nouveaux des caractéristiques d'involution, colère, suicide, émotion. Cela contredit l'intelligence de vivre hors de l'astral, de la même personne. Les hyperactifs ne sont-ils pas plutôt des êtres mal alimentés? La salle ce soir dégage beaucoup de confusion. Cela peut être dangereux pour certains. Bon, c'est une personne hautement spirituelle qui pose la question. Bon, le caractère d'involution, la colère, c'est faux. C'est un caractère de purification. Bon, caractère, bon, le suicide, caractère d'involution, c'est faux. Plus on est cave, moins on suicide. Et au niveau de l'émotion, c'est tout à fait normal. L'enfant nouveau passe par le même phénomène de constitution que l'adulte normal. Donc, il passe par la constitution du corps physique, du corps vital, du corps astral, du corps mental. Et à un moment donné, il aura contact avec son esprit, il se centrera sur lui-même. Ce qui fait que ce ne sont pas des caractères d'involution. Sachez une chose, c'est qu'il y a une colère mentale, il y a une colère psychologique. Lorsque, par exemple, on découvre qu'on est manipulé par la religion, par ses parents, par des choses comme ça, et qu'on se rende compte qu'on peut même pas s'en sortir, qu'est-ce qui se passe? La vie est plus belle. Est-ce que c'est un caractère d'involution? Non, c'est un caractère d'évolution. Lorsqu'on voit un peu plus, mais juste passer, ça devient tough en maudit. Alors effectivement, l'enfant qui n'a plus peur de la mort, évidemment, n'aura pas peur non plus de se suicider.